01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone tous les soirs pour nous appeler. Merci hein, pour cette soirée encore mortelle qu'on a passée avec vous. Tous les soirs, on kiffe d'être avec vous. C'est de 20h à 23h, tous les soirs sur Fun Radio, du lundi au jeudi, Love in Fun. Après l'émission, c'est Mickaël, No Limit. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Salut Mickaël. Ça va bien? Salut l'équipe. C'est la fête du doc ce soir. Oui, c'est la fête. Bah, bonne fête. Bonne fête. C'est pour ça que vous avez rangé le bureau hier. Mais bien sûr. Très bien. Oui, c'était ma fête, oui. Bah ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut fêter ça. On a tous offert un cadeau au doc. Tu offres quoi, toi, Mickaël? Bah écoute, je peux offrir une nuit torride avec Toff. Ah oui. Oh. Au doc, ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Je le savais que je plaisais au doc. Eh, qu'est-ce qu'il est poli quand même, doc. Hein. Ouais, bah oui, oui. Ah ouais, on va pas, oui, je vais pas le froisser quand même. Bah, on sait jamais. Hein. Tu pourrais, ça lui arrangerait peut-être sa gueule de le froisser. le doc se tape toute la radio. Hein. Lilou, il y a une histoire avec Karima. Dans les fantasmes. Non, moi, ça y est, il m'a largué. Il m'a largué, il est parti avec Lilou. Ouais. Et maintenant, Lilou, fais attention, il y a Toff qui est sur les rangs là. Ouais. Hein. Eh, touche pas à mon mec ou je te marave. Ok, je laisse. Ouais, c'est ça. Il a peur. Bon, bah, bonne soirée à vous. Hein. Salut, à demain tout le monde. Et à demain 20h. Et nous, c'est parti. On est là jusqu'à 2h. Ciao. Suce ma bite. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limites. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Et puis bienvenue. Hein. Bienvenue dans Mickaël No Limit. J'espère que la reprise après un long week-end n'a pas été trop compliquée. Nous, on est en pleine forme comme tous les soirs. Et pour cause, on ne s'est pas arrêté. Nous étions là dimanche, nous étions là hier et nous sommes encore là évidemment ce soir et toute la semaine. Moi, c'est Mickaël. Je suis là avec une équipe de psychopathes. Mais oui, surtout oui, moi. Et quel psychopathe, justement. Hein. De 23h à 2h du mat, du lundi au jeudi. Puis le dimanche, on est là également de 20h à minuit. Pour passer l'antenne et délirer avec nous, bah, vous faites tout simplement maintenant le 01 42 48 5000. Le 02 851 4x0. Et vous arriverez ici comme Marcia qui est avec nous. The comeback of Marcia. Oh mon dieu. Oh, how are you, Marcia? I'm fine and you? Ah bah, super fine. Alors, t'as eu des nouvelles de... Parce qu'on a eu Marcia hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et donc, Marcia qui était plutôt bonasse, hein, autant dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai. Non mais attends, je la veux. Bien gaulé, Toff, rappelle les mensurations, s'il te plaît, de Marcia. Je ne peux pas, là, elles sont dans le bureau. Oh bah ça y est, bah, alors, maintenant il est... Va les chercher. Moi, je les connais, je peux les dire. Hein. Bon bah alors, vas-y, pendant que Toff, il retourne chercher son petit cahier qu'il a oublié. Ça commence comme ça, et un jour, une vie... Attends, on n'a pas entendu, parce qu'il y a Polo qui parlait en même temps, là. Vas-y, répète. 1,75, 55 kilos, 95 c. Oh là là, quel rêve. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Enfin, bon, et donc du coup, tu étais avec un mec, vous avez eu quelques petits problèmes de couple, tu as donc, alors qu'il ne t'avait pas trompé ni quoi que ce soit, rien de grave dans l'absolu, tu as donc décidé de jeter toutes ces affaires dehors, y compris la PS3, l'ordinateur portable, etc., etc. Et voilà, et donc finalement, vous avez couché ensemble de nouveau il y a... Oh merde, on l'a plus. Donc ils ont couché ensemble il y a 2 mois et demi, 3 mois à peu près. Ils se sont revus il y a 2 semaines et depuis en fait il a récupéré une autre meuf et bien sûr elle voulait tenter de le récupérer. Voilà, c'est bien ça Marcia, donc tu veux le récupérer dans l'absolu, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, est-ce que t'as eu des nouvelles aujourd'hui? Parce qu'on a essayé d'appeler hier mais c'est le répondeur. Bon, ça se passait bien ce matin, mais bon, apparemment, en fin de soirée, c'était la guerre encore. La guerre. Bon, écoute, attends, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes, d'accord? Ouais. Bon, bah, qu'est-ce qui va pas, Marcia? T'inquiète pas, nous, on est là au pire. Je suis là, Marcia. Hein, on sera considéré comme la troisième rue du carrosse, hein, voire la quatrième ou la cinquième. Mais tu peux toujours boucher un trou s'il y a de la place. Tu peux rien bouffer. Y a pas de problème, t'inquiète pas, nous, on est là, on va pas te laisser en chien. Hein. On est pas des enculés quand même. Non, mais c'est vrai. Tu vois, on est trop mal pour toi là. Nous, si on peut rendre service, on est toujours là pour rendre service, sache-le déjà, tu vois. Tu t'as confiance en nous? Ok, c'est pas mal ça. Bah écoute, c'est pas mal déjà, ça part sur un bon début là, je pense, tu vois. Non mais c'est vrai, ça part sur un bon début. C'est tout. Oui, mais t'inquiète pas, on l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? Bah rien, non, je voulais juste dire qu'elle fait 1m75. Bah c'est bon, elle l'a dit. C'est bon, c'est fait. Ouais. D'accord, tu te fais courir jusqu'à l'autre bout de la radio. Parce que tu devais aller pour les prochaines. Voilà, c'est tout, c'est pour ça. Je vous jure. Rien. Il comprend rien à rien. Très bien, un coup de pelle en pleine gueule. Ouais, complètement, ça peut être un bon plan, tiens. Merci. Voilà, comme ça, il l'a prise en pleine tronche, effectivement. Bon, alors, Marcia, reste avec nous, on va reparler avec toi dans quelques minutes. Alors, Sandro, hier, c'était ta fête, hein, puisque c'était la fête des célibataires. C'est un peu la fête de Marcia également, hein, puisqu'elle est toujours célibataire. C'était en Chine. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, tu n'as plus besoin de chercher un mec, tu peux le louer, 3 euros l'heure. Voilà, comme ça, tu n'as plus besoin de te chercher un mec. Sympa, non? Ouais, mais il faut aller en Chine alors. Ah, il faut aller en Chine, effectivement. Ouais, et, alors, pas comme Toff, évidemment, hein, qui va encore partir à la recherche de nouveaux amis ce soir. Ah, bah alors, vous êtes un salaud. Ah, bah oui. Vous êtes un mal dégueulasse. Exactement. Et je vous emmerde, je vous exècre. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà, tous ces gens fort sympathiques, ma foi. Oh. Et puis, pendant que Polo, évidemment, jouera du pipo à ses prétendantes, c'est un petit peu le bachelor du pauvre. Ouais. Voilà. J'embrasse. J'embrasse Charline, Miss Lorraine, Colline et Elodie. Et Marcia. Et Nina. Et bah, enfin, Marcia, on va voir. Si et bah, Marcia, contact. Ouais, moi, évidemment. Je n'embrasse que les filles avec qui je suis en contact. C'est vrai. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es séduite par le pipeau de Polo? C'est la question elle m'est posée. Ah oui, c'est non, pour non. toi. Regarde, attends, il te rejoue un petit morceau de pipeau. Est-ce que tu es séduite par un homme comme ça? Petit alors solo. Oui, c'est chaud, franchement. C'est vrai. Ou est-ce que tu préfères un mec qui chante et qui fait de la guitare comme moi? Enfin, de la guitare, de la batterie, qui chante en même temps. Ouais, qui chante et qui fait de la guitare en même temps. Ah, tu veux? Attends, c'est une seconde. La guitare! Alors attends, attends. Non, je l'emmène, elle est loin là-bas. Attends, attends. Attends, voilà, c'est bon. Attends, je m'installe. Ne bouge pas. Parce qu'il faut que je m'éloigne un petit peu, évidemment. C'est par rapport au son de la guitare. T'es prête? Ouais, c'est le retour en set. Attention, je te fais l'intro. Je te fais l'intro et puis je chante un tout petit bout, 2-3 secondes, d'accord? Bon, alors attends, vas-y. Quel talent. Alors attention, vas-y, je vais chanter, je m'approche du micro, là c'est parti. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Ah, t'as vu un peu, c'est mieux que le pipeau, non? Oui. Mais c'est ça, voilà, c'est ça le talent de séduction. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'y peux rien. Mais tu es trop fort. J'ai été créé comme ça. T'es né comme ça. Voilà, exactement. Mais oui, c'est un demi-dieu, sachez-le. Voilà. Bon, Marcia, tu nous expliques ton histoire avec ton mec dans quelques minutes là. Et puis bah oui, on va également s'écouter du son ce soir avec Jason Derulo. Ce sera Dirty Talk. Il y a un son que t'as envie d'écouter, Marcia, ou pas? Oui, ça, par contre, c'est bien. Alors, dis-moi toujours, hein, si je l'ai en stock, pourquoi pas? Tu peux mettre Troubles de Taylor Swift. Taylor Swift, alors bouge pas, attends, faut que je vois si je l'ai. J'aime bien celle-là, s'il te plaît. Oui, mais je sais bien que tu l'aimes bien, alors attends, bouge pas. Nous aussi, calerai... on t'aime bien. Mais oui, je vous calerai aussi Eminem et Rihanna. Avec The Monster. Qui n'est pas du tout une chanson dédiée au sexe de Toff, que ce soit clair. Ah bon? Ah non, pas du tout. Mais vraiment pas. Hein. J'ai eu Rihanna au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit, écoute, il y a des bruits qui courent comme ça apparemment en France, en Europe, là. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on a fait la chanson, que ce soit clair. Voilà, non mais c'est vrai, vaut mieux prévenir les gens parce qu'après, il y a des bruits qui courent comme ça, on sait jamais vraiment. Bon, et puis on va également filer la Nintendo 3DS XL ce soir, pour la filer ce soir. Eh bien, ça va être la colle et avec Nicolas qui est avec nous. Salut Nico. Ouais, salut tous. Comment ça va? Ouais, tranquille, ça va. Bon, ben bienvenue Nico. Alors, ouais, c'est parti pour la colle, on y va. Je rappelle je rappelle le concept, donc tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, il s'inscrit soit sur le Facebook, soit par SMS. Si quand on l'appelle, il décroche et qu'il donne la bonne réponse, il gagne et tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne et bah, lui qui perd. D'accord? Ok. Bon, allez, vas-y pour la colle. Écoutez bien. Quand je suis debout, eux sont couchés. Et quand je suis couché, eux sont debout. Voilà, quand je suis debout, eux sont couchés. Quand je suis couché, ils sont debout. C'est ça? Ouais, c'est ça. Quand je suis couché, ils sont debout. Quand je suis debout, ils sont couchés. Oui, c'était plus ou moins ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse par SMS, au 64 900 et pour la Belgique, au 63 22. Et vous pouvez aussi vous inscrire en allant sur le Facebook. Comme ça, vous avez la colle sous les yeux. C'est peut-être plus facile pour certains. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et on donnera la réponse tout à l'heure avant minuit 30, tout simplement. D'accord, Nico? Okay, bon, on te récupérera d'ici là. Donc quand je suis couché, ils sont debout. Quand je suis debout, ils sont couchés. Qui sont-ils? Ils sont visiblement plusieurs. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, très bien. Bon, bah, reste avec nous, Nico. Ok, y a pas de souci. Donc, vous envoyez Mickaël, espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Il y a Soumaya aussi qui m'avait demandé une dédicace là tout à l'heure. Bah, voilà, ça y est, c'est fait pour Soumaya. Déjà que je lui ai brisé le cœur, apparemment. Mais oh. Ouais, mais je lui ai dit que j'étais pas libre. Donc, du coup, ça l'a attristé. Pourtant, je lui ai montré une photo qu'elle m'avait envoyée à Apollo. Et lui est en chien, par contre. Hein. Donc, Soumaya, si tu veux, il y a peut-être moyen éventuellement. Éventuellement de gérer. Voilà, il y a Cheyenne aussi qui dit coucou l'équipe, vous allez bien? Mickaël, tu es un dieu au chant et à la guitare. Je te remercie Cheyenne. Colin également sous le charme de Polo, mais Mickaël gère la guitare, donc désolé. Le Polito, petit surnom trouvé sur le tas. Polito, dorénavant. Cool. Oh, c'est Polito. Mais c'est pas mal. Il est voilà. Polito. Yalo qui dit quel bonheur de retrouver Mickaël et son équipe. Merci, c'est très gentil. Et puis on est super content de vous retrouver, vous aussi. The Junior M qui dit salut Mickaël, est-ce que tu peux mettre un message de bienvenue pour ma sœur qui me croit pas que vous lisez les messages? Bah évidemment. Vous êtes même un dégueulasse. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah voilà, très bien. Bah c'est comme ça, c'est pour toi. Tiens, voilà, tu vois, ton frère est un salaud. Et le Tigash 91 qui dit bonsoir toute l'équipe, faites nourrir encore ce soir. Bisous, il y a toute l'équipe. Alors oui, normalement on devrait. Marcia, est-ce que tu écoutais l'émission hier jusqu'au bout ou pas? Si tu dis non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, j'ai dû m'endormir avant deux. Bon, écoute, alors c'est bien dommage parce que tu as raté notre nouvelle amie Gilou qui a été draguée par Toffinette ici présente. Mais oui, bonsoir. Ouais. Bonsoir Toffinette, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Très bien. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Il n'a pas été jusqu'au bout malheureusement. Et oh, alors, c'est dommage. Bah oui, Gilou qui voulait jouer avec vous, Toffinette. Quand Toki Story, on va jouer tous les deux la Marelle. Voilà. Ah oui, Marelle. Mais oui. On va faire l'amour, voyons. Ah bah oui, on va faire l'amour. Bah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein. Bah oui, voilà. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Ah, t'as vu, t'as peut-être raté l'homme de ta vie, Marcia. Ou pas. Bah, il était très gentil hein. Je vais vous mettre la photo de Toffinette dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Bah, attendez, oh, je vous la mettre maintenant. Je ne sais pas. Ah si, bah si je peux quand même. Mais si. Alors attendez. Bon, ça je la mets. Gêne. Mais non, il faut pas être gêné. Voilà. Je viens de la mettre maintenant. Allez voir facebook.com/mikaelofi. Oh, quelle horreur. Facebook, j'en ai lâché le téléphone. facebook.com/mikaelofficiel. Twitter et Instagram également. Vous m'ajoutez. Bah, vous tapez MIKL_officiel sur Twitter pour m'ajouter. Oui, et puis, c'est la grande classe. Hein. C'est super beau. Super belle, pardon. Oh, oui. Bon, Marcia va voir hein, à l'occasion. Marcia, c'est toi le problème avec ton téléphone. Ouais. T'as le même qu'hier, ça fait nouveau. C'est une horreur. Pardon. T'as nouveau le kit Malibre ou le haut-parleur? Non, j'ai pas le haut-parleur, mais je répondais au texto d'Antoine. Ah, c'est ça, c'est parce qu'elle tape des messages. D'accord, j'ai compris, mais non, d'où vient ce tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. D'accord, pardon. Ok, j'ai compris. Non, mais il n'y a pas de malaise. Maintenant, au moins, on sait d'où ça vient, Marcia. Bon, alors, Marcia donc nous avait appelé hier. Elle voulait récupérer son ex. Tu l'as eu au téléphone aujourd'hui, car on l'avait appelé hier, mais il était le répondeur. Et du coup, il s'est passé quoi aujourd'hui, en deux mots? Bah, ce matin ça se passait très bien parce qu'apparemment il y a un mec qui l'a appelé qui voulait sortir avec moi et qui a dû prendre mon numéro de mon téléphone et l'appeler. J'ai rien compris. Et en gros, t'as pas compris? Non. En gros, il y a un mec qui veut sortir avec moi. Ouais. Et vu que apparemment je lui parle tout le temps d'Antoine, et ben il a dû prendre son numéro de mon téléphone et l'appeler lui directement. Oh l'enculé. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah oui. Et donc du coup il n'était pas très très content de ça. C'est même dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai. Et donc du coup là c'est reparti en guerre en fin de soirée. Non. Oh, arrête de me faire manger. Oh dis donc, Gilou. Oh, merde. Oh, il est chaud Gilou, il est chaud. Gilou, Marcia, il y a Gilou qui voulait te poser une question. Vas-y. Oh, j'aime le sperme. Ça dépend le de qui. Ah d'accord, ok, très bien. Et d'avoir une autre question? Ouais, moi, comme je branlais 3-4 fois, c'est tout. Hein. Ah oui, 3-4 fois par jour, ça va, c'est une bonne moyenne. Bon, alors Marcia, du coup, est-ce qu'on appelle quand même encore Antoine? Allez, alors, on appelle Antoine, on se met la pub en speed, on revient après avec Jason Derulo, et on l'appelle juste après, d'accord? Ok, ça marche. On va appeler Toitouane. Ah bah oui, mais j'avais dit qu'il avait un long regard. Bon, Toitouane, juste après le son de Jason Derulo et Dirty Talk, est-ce que c'est bon, Gilou? Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Bon bah c'est parfait. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Please call again. Mikaël. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, là, on est de retour, 23h15, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat, comme chaque soir. Dites-nous si vous voulez qu'on vous rediffuse le moment où on a eu Gilou hier. Ah, parce que c'était du caviar. On avait Toffinette, d'ailleurs, il y a la photo de Toffinette, hein, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est tellement belle. Facebook.com/MIKAELOfficiel, ou alors ajoutez-moi sur le Twitter de l'émission. Vous tapez MIKAEL underscore, c'est la petite barre en bas, MIKAEL underscore officiel pour m'ajouter sur le Twitter. Et si vous me faites un, si vous me suivez, bah, je vous suivrai également. Retour avec Marcia dans quelques minutes. On va appeler son ex-futur déchet. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Marcia. Ce sera toi, Toine. Voilà, ne bouge pas de là, Marcia. On aura la colle avec Nicolas qu'on va rappeler dans quelques minutes. D'ailleurs, la colle, bah, je peux le faire maintenant en speed. Quand je suis couché, ils sont debout. Quand je suis debout, ils sont couchés. Qui sont-ils? Si vous pensez avoir la bonne réponse, la Nintendo 3DS XL est peut-être pas loin. Il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou alors directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Je vous l'avais promis tout à l'heure, eh ben je vous le passe maintenant. Le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue, on est là jusqu'à 2h, il se passe enfin quelque chose à la radio. I'm that flight that you get on, international. Il n'y a pas de R au plus, non? Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, 23h19. Et oui, toujours en live avec vous toutes et vous tous. On est en direct, évidemment, avec les appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Ah, on appelle pourquoi? Ah, ben on va appeler pour un truc très, très, très, très bien. Tu vas voir, ça va être. Je te garde la surprise dans quelques instants, là, bouge pas de là. Bon, et on va bien entendu aussi, à l'unanimité, hein, repasser notre moment où nous avons rencontré Gilou hier soir. Puisqu'en plus Martial n'a pas entendu, c'était l'occasion jamais de refaire les présentations. Hein. Ah oui, Gilou. Et il a l'air tellement bien en plus, ça qui est beau. Et surtout quand on a eu ça, alors. Oh, il est 23h19, on s'en branle. Arrête de taper, Martia. C'est ce qu'il fait, hein. Pardon, voilà. Pardon. Toujours en train d'écrire des textos, c'est un truc de fou, ça, Martia, quand même, là. Mais il me dit des trucs méchants, ça m'énerve. Ne nous oblige pas à venir te confisquer le téléphone. Eh ben, tu sais quoi, Martia, juste pour se venger de lui, on a qu'à coucher ensemble. Pour lui. Moi, je suis d'accord. Pour le bien de Polo, tu dois le faire. Pour ce salopard d'Antoine. Non, bon, donc écoute bien, Martia, j'enlève même la musique qui est en dessous parce qu'il faut quand même bien entendre. Nous avons eu Gilou hier qui était en train de draguer. Toffinette. C'est Toffette, très bien. Comme tu veux. Bon, bref, donc sur le Facebook, hein, vous pouvez voir Toffette, hein, il l'a dragué hier soir, facebook.com/MIKAELOfficiel. Ça me gêne quand même. Ah, je sais, mais tu es tellement belle, Toffette, là, sur le Facebook, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc, du coup, à un moment, il a dit ça. Et, dis-moi, Marcia, si tu reconnais quelque chose. Oh, écoute. C'était dégueulasse. Oh, rien qu'à le réentendre, j'ai envie de vomir. C'est bâtard. Attends, il a fait ça pour moi. Oui, bah oui, je sais bien. Le mec se branlait en direct. Bon, Elodie qui dit, je vous ai découvert. Ah ouais, je vous ai découvert grâce à Lou. Vous êtes énorme et je kiffe le chéri, je peux te faire cocu. Ah oui, c'était hier, on vous le remettra tout à l'heure avant 2h du mat. Donc restez bien là si vous l'avez pas, si vous l'avez raté le moment magique du chéri, je peux te faire cocu. Hier, il y a Megumi qui dit, on peut faire un chiffre et des lettres de Toffinette. Ah bah oui, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. Je sais pas, ça me gêne. Hein. Oh bah non. Allez, salope. Bah non, allez, vas-y, attends, je mets la musique, c'est parti. Bon alors, Toffette, combien mesures-tu? Bon alors, je fais 1m56. Ouais. Combien tu pèses? 70 kilos. 70 kilos. C'est quel est... Tellement il est mauvais. Quel est ton tour de poitrine? Oh bah, je dois faire à peu près 80 B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Qu'est-ce qu'elle est moche? Hop là! Voilà, très bien, s'en est débarrassé, une bonne. Oh, dis donc, ça va, on n'est pas non plus dans le détail. Oh, arrête de me manger. Bah oui, merci Gilou. Bon, parlons de choses sérieuses. On va aider Marcia, car elle attend depuis hier, la malheureuse. Oh, oui. Ah, je croyais que je t'avais déjà fait un effet de fou. Non, c'est Gilou. C'est ouf ça, cette espèce de respiration. Je me suis dit, Waouh, sans rien faire, ouais. Et ça, c'est la classe. Quel homme. À distance. Il fait jouir les femmes à distance. Je rappelle que Marcia a dit qu'elle préférait les pharmaciens, c'est ça, hein, ouais. Parce que son mec était pharmacien. Ouais, du coup, à lunettes, avec donc les médocs, tout le bordel, avec les boxers Calvin Klein, je me suis quand même fait chier à faire une photo qui a quand même fait 1000 likes, c'est pas mal. Hein. Donc avec les boxers, le boxer Calvin Klein et tout le bordel. Et t'as vu la photo, moi, Marcia? Oui, et je t'ai dit qu'elle était marrante. Ah, elle était marrante, bah super, c'est comme quand tu dis à un mec, ah bah il est gentil. Il a du charme. Ah. Ça veut dire qu'il est moche en fait. Oui, c'est ça, ouais. Bon, allez, on va donc appeler ton mec maintenant, enfin ton ex-futur mec. Nous, on est derrière, t'inquiète pas. Ah bah alors vous êtes un salaud. Bah oui, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes même un dégueulasse. Moi, je suis une salope. Oui, ah. Si tu veux, c'est pas moi qui l'ai dit, et pas de problème. non, mais pas de problème. Alors écoute ça. Oh, écoute. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, y a pas de problème. Je te sucerai le sang et tout. Ah. Oui, donc si jamais ton mec n'en veut pas, Marcia, Gilou est disponible. Hein. Ok. Oh, écoute, on fait avec ce qu'on a, hein. J'ai remarqué. Hein, bon, on a que Gilou. Hein. Voilà, non mais c'est ça, bah nous on a que Gilou, effectivement, mais bon, on fait ce qu'on peut alors. Bon, okay. On va y aller, on l'appelle. Mmh. Attends, un petit message général pour de tous les auditeurs pour Tof. Vous êtes un imbécile. Voilà. Bon, on y va, c'est parti. On appelle toi Twan, le pharmacien. Et puis, bah, nous, on est derrière, t'inquiète pas. Hein. D'ailleurs, on se met derrière toi. Ne bouge pas. Oui. Ça marche. Enfin, tu peux un peu bouger si tu veux, mais. Ouais, surtout si tu pouvais remuer les fesses. Du coup, je vais pas. Oh, ce petit bit. Mais t'as vu, regarde. Hier, c'était le répondeur. Là, maintenant, il ose pas décrocher. C'est dingue. Oh. C'est dingue. Bon, on le rappelle. Okay. C'est parce que je pense qu'il a. Ou soit il écoute la radio. Non, il écoute pas la radio. Bah, c'est bizarre que ça sonne et bizarre. Hello, vous êtes sur la liste. Ah putain, vas-y, toi, quoi. Bon, écoute, on réessaye dans 5 minutes, Marcia. Marcia, ok, on... ça marche. Envoie-lui un texto. Ouais, envoie-lui un texto, dis-lui, j'essaie de t'appeler, allume le téléphone. Dis-lui, décroche, okay, connard, ça ira plus vite. Ouais, oui, okay, tu peux lui dire aussi, décroche, connard, oui. Ah bah alors, vous êtes assez... Non, quand même, on va éviter les insultes, je suis déjà grillé, là. Oh, mais non, t'es pas grillé, c'est pas grave. Je suis là, t'inquiète pas. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à lui dire ça. Espèce d'enculé, hein. Voilà, t'as qu'à non. Et exactement. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Voilà, tu lui dis ça, et là, on va voir qui porte la culotte dans le couple. Hein, Marcia? Bah, lui. Ah, bah voilà, très bien. Bon, alors qu'il y a un message qui est arrivé, qui dit « Beau gosse en pharmacien ». Ah, comme quoi, il y a des gens qui ont du goût, hein, ouais. N'est-ce pas, Marcia? Ouais, c'est la photo que j'ai faite hier. Le prince Nadia qui dit Antoine est définitivement nul. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une fille. Oui, Marcia. L'apnée veloutée qui dit son portable ne sert à rien, Antoine, c'est clair, il est toujours éteint. Arnaud qui dit un petit coup de pelle dans la gueule de Toff. Oui, c'est gratuit. Hop, c'est fait. Et puis Audren qui dit salut, c'est pour savoir si je pouvais avoir un message de bienvenue à propos juste parce que je. Oh là là, c'est une horreur quand elle tape. À propos juste parce que je sais que vous allez mal le prononcer, mon prénom, ça se prononce Audren. Ah oui, j'avais dit Audren. Ouais. Effectivement, t'avais bien vu le truc. Hein. Oui, j'ai un message de bienvenue pour toi. Et je vous emmerde, je vous exècre. Ah oui, c'était très bon et c'était très loin ça, hein, pour le coup. Y a Moms qui dit aussi, non mais l'autre, elle lui jette ses affaires, elle lui demande de revenir, assume un peu quand même. Ouais, pas faux, effectivement. Ça y est le message ou t'écris un livre là? Comment? Ça y est le message ou tu lui écris un livre? Bah non, il m'a envoyé un message et il me dit oui, je vais te répondre comme une fleur après avoir fait tant de mal. Oh là là. Et en fait, je crois que c'est moi, il sait pas que c'est vous en fait, il croit que c'est moi. Donc il veut. Bah enfin, il a pas vraiment tort. Tu sais quoi, tu l'appelles, tu lui dis ça? Tu se m'habites. Tu lui mets un coup de pelle, tu lui mets une claque, et puis après tu lui. Bah non, mais il y a un moment, il faut faire, mais comme oui. Ça, tu vois. Il y a un moment, faut pas déconner, tu vois, faut montrer qu'il est là. Bah moi, je vous emmerde, et tu nous fais pas chier, sinon ça va barber. Voilà, il y a un moment, merde. Montre qui est la patronne. C'est ça, te laisse pas faire. Allez, Marcia, qui est la patronne? Bah là, lui, hein. Non, c'est toi. Qui est la patronne, Marcia? Bah qui... parce que c'est moi qui suis mal, lui. Qui est la patronne, Marcia? Moi. Qui est la patronne, Marcia? Moi. Qui est la patronne, Marcia? Mais je l'ai été 3 ans. Qui est la patronne, Marcia? Alors vous êtes un salaud. Qui est la patronne? Vous êtes même un dégueulasse. Qui est la patronne? Moi. Qui est la patronne? Plus fort. Moi. Qui est la patronne? Oh, il est en train de l'entraîner là. Plus fort. Allez. Qui est la patronne? Moi. Allez. Qui est la patronne? Vas-y, monte tout tes seins, Marcia, maintenant. Qui est la patronne? Allez, Marcia, moi. Qui est la patronne? Oh, dis donc, alors Gilou, on t'a pas invité dans la conversation, merde. Oh, arrête de me faire manger. Oh là là, il est toujours là quand on n'a pas besoin de lui, celui-là. Bon, Marcia, on va essayer de la... Arrête de taper sur ton téléphone. Pardon, Marcia. J'essaie de lui dire d'arrêter de... C'est quoi comme téléphone? J'ai vendu mon Galaxy, c'est un vieux téléphone. Ah bah je vais pas venir te le confisquer alors, hein. J'allais faire le déplacement mais pour récupérer une boue, ça sert à rien. Non, on me le confisque vraiment pas. Bon, il y a Jean-Michel qui dit tu trouveras quelqu'un d'autre de mieux, Polo est là. Oui, oui. Et alors Eliria aussi qui dit faut être dominante des fois, hein Marcia. Mais oui, hein, mais qui est la patronne. Je l'ai été, mais franchement regarde comment. Mais oui, mais t'es là Marcia. Mais oui, réveille-toi. Mais ça me fait du mal de l'avoir fait du mal, je te jure, je suis mal, maintenant je suis pas bien, je suis mais pas je vois ça, on va te remettre sur patte. T'inquiète. Mais heureusement Polo est là. Mais ouais. Oui, il y a Louis qui dit tellement Toffette est moche, j'ai même pas envie de liker la photo. Ouais, bah allez voir. T'as vu la tête de Toffette ou pas toi, Marcia, sur le Facebook là? Non, j'ai pas vu la tête de Toffette, elle est si moche que ça. Ah bah non, écoute, mais non, Toffette, c'est vrai que c'est quand même un design. Oui, c'est un travesti. C'est pas gentil. Elle sort du bois là. Bah va voir, tu me diras, tu m'en donneras des nouvelles. Bon, non, je peux pas me moquer. Mais non, mais tu dois pas te moquer, tu peux donner ton avis tout simplement. Bah elle est belle, tout le monde est beau. Non, on n'est pas chez les bisounours, Marcia, hein, par contre, hein, faut arrêter de délirer là. Bon, Polo Toff, puisque Marcia aussi, là, je sais pourquoi vous êtes pauvre, est-ce que tu as des problèmes d'argent ou pas, Marcia? Pourquoi tu veux me faire gagner de l'argent? Non, mais je te demande, est-ce que tu as des problèmes d'argent? Pourquoi pas, oui. Bah oui ou non, alors? Oui. D'accord. Oui. Non, parce qu'en fait, donc je sais pourquoi, parce que ça en l'occurrence c'est un truc par rapport au mec, mais je sais pourquoi Toff et Polo en revanche sont un peu raides. C'est parce que bah vous ne faites pas assez l'amour. C'est une étude. Et c'est une de ces études que j'adore, hein, qui est sur internet évidemment. Les mecs qui font l'amour au moins 4 fois par semaine gagnent plus. Ce que tu vas vérifier tout de suite, Toff, bien entendu. Bah, évidemment. Dès que nous aurons assez de numéros de téléphone que vous allez pouvoir envoyer à Toff dès maintenant, toph@funradio.fr. On fait les premiers appels dans 5 minutes. Allons-y. Ah bah ça me paraît pas mal. Et puis ce soir également le jeu de la rupture, ce qui va très très bien avec Marcia. Oh mon dieu, oui. Bah oui, jeu de la rupture dans quelques minutes. Donc si vous voulez gagner des cadeaux, on a des packs mémoire sans disque aussi à vous offrir ce soir. Si vous voulez jouer, vous appelez Sandro maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Marcia, tu restes avec nous. On va rappeler ton mec dans quelques minutes, d'accord? Ok. Bon, allez, reste à qui est la patronne? Moi. Plus fort, qui est la patronne? Moi. Qui est la patronne? Moi. J'aime le sperme. La grande classe. Bon allez, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit au DHK 2h du mat avec vous toutes et vous tous en direct. Venez nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter, vous allez voir la tête de Toffette d'ailleurs, elle est horrible. Sur le Facebook, c'est Calvin Harris qu'on écoute maintenant en Thinking About You. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. J'aime le sperme. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et toujours en direct, vous avez été nombreux à nous demander qu'on remette le passage de notre ami Gilou qu'on a découvert hier. Hein. C'était dans l'émission, en fin d'émission, vers 2h. Si vous n'étiez pas là, c'est celui-là. Hein, je vous le présente à nouveau. Je te sucerai le sang et tout. Voilà, il draguait Toffette. D'ailleurs, il y a photo. Oui. Sur le Facebook, le Twitter de l'émission, n'hésitez pas à m'ajouter. Hein. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Vous tapez Mickaël _, c'est la petite barre en bas, officiel. Mickaël _, officiel. Et sur le Facebook, bah là, vous faites un facebook.com/Mickaël officiel. T'es au chiottes ou pas, là, Marcia? Comment ça se passe? J'ai juste fait pipi tranquille. De quoi? Je viens juste de faire pipi. Mais oui. Tranquille. Ah, très bien. C'est bien ce qu'on dit. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu tires la chasse. Nous voilà rassurés. Lave-toi les mains, n'oublie pas. Hein. Mais je me lave toujours les mains, bon. Je n'oublie jamais. Alors c'est parfait, Marcia. Bon, on va rappeler ton mec un petit coup maintenant là, et puis on fera le jeu de la rupture juste après, d'accord? Ok, ça va. Allez, c'est parti. On rappelle ton mec là, qui t'es plus avec lui, t'aimerais bien le récupérer. On a essayé de l'appeler hier. C'était malade mental. Ouais. Allô. Oui, Antoine. Oui. Là. Bon, déjà, c'est pas mon idée, mais là il y a la France entière qui t'entend. Et de deux, je voulais te dire, parce que tu me prends pour une menteuse, tu crois que j'ai pas de parole, tu crois je ne sais quoi, mais je t'assure que demain, si c'est la dernière fois qu'on se voit, je te donne tes affaires, mais moi ça me fait vraiment du mal qu'on en reste là, comme ça, qu'on se déchire, qu'on se déteste, parce que tu es l'une des personnes que j'aime le plus au monde, et tu le sais. Tu fous la merde ou pas? Et ah oui. Je voudrais vraiment que ça s'arrête. Je le sang et tout. Tu... Je voudrais vraiment que ça s'arrête parce que, voilà, toi... Arrête de me faire manger. J'aimerais juste qu'on redevienne proche comme on était, comme on a toujours été. Et, je reconnais tous mes torts, il n'y a aucun problème. Ouais, mais... J'aime le sperme. Mais c'est quoi? Alors, moi, j'ai pas ça. Tu peux lui demander à elle. Moi, j'ai... Tu avais goûté? Je sais pas si elle a goûté, mais moi, non. Malheureusement, non, on reviendra pas proche comme, comme avant. Donc on va se détester comme ça. On va se... Non, bah, non, moi je te déteste pas, mais... Bah si, parce que arrête, tu m'as je vous emmerde, je vous exècre. Tu dis des trucs de ouf, tu trucs et tu fais très bien... Bah je sais pas, tu m'accuses de plein de trucs, tu dis des trucs de dingue. Ok, j'ai commis des torts, mais c'était pas non plus, il n'y a pas de mort d'homme. La preuve, j'essaie de me racheter au quotidien et je comprends pas pourquoi, enfin, je comprends pas pourquoi on pourra pas redevenir proche. Enfin, j'ai jamais cherché à faire du mal. Depuis 3 ans, j'ai tout ce que tu m'as reproché, j'ai toujours essayé de me rattraper. Alors, raconte ça toujours. Un peu. Et tout ce que tu m'as reproché ces 6 derniers mois, j'essaie de me rattraper, certes tard, mais je me rattrape. Ah bah même alors vous êtes un salaud. Même le fait que je te dise, en gros, ouais, c'est là. Ça, ouais. Hein? En gros, je suis un salaud, ouais. C'est exactement j'ai, ça. J'ai pas dit ça, c'est pas moi qui ai mis ça, donc je sais même non, pas. Non, mais j'ai pas dit que c'est toi qui avais dit ça, mais moi je réponds à la personne qui a dit ça. Vous êtes même un dégueulasse. Non, mais c'est un pas, gros dégueulasse. Je mérite pas ça. Je sais pas si tu t'es mis genoux à terre pour me demander en mariage, si tu m'as dit que voilà, et en plus que tu m'as dit qu'à cause de moi, tu n'auras plus jamais une femme en mariage, je sais pas quoi, ça me fait du mal parce que, enfin, je sais pas, c'est pas comme si on s'était quitté parce que je t'avais prêt d'arriver. Tu m'avais... Comment ? C'est pas prêt d'arriver. Oh, ah voilà, bah, je serai la seule et j'espère que, je sais pas, je veux pas, c'est, tu t'imagines même pas à quel point tu comptes pour toi, pour moi et Shanita, tu t'imagines pas à quel point ça me fait du mal, tu t'imagines pas, tu sais très bien que je suis quelqu'un de fier, tu sais très bien que je suis une belle femme, que voilà, mais je t'estime plus que tout le monde. T'as des couilles, tu viens t'en pis chez moi maintenant. Je t'estime plus que tout le monde, t'es pas n'importe qui pour moi et il faut que ça s'arrête. J'en ai marre que tu commences tes phrases par les gens on dit à la base quand on s'est rencontrés c'était toi et moi et enculé gros connard. Non mais je peux avoir un photo à qui j'ai l'honneur. Non mais c'est je sais pas c'est quelle voix. Non mais c'est les voix, enfin bref, en tout cas... les voix, le téléphone. C'est très bien que voilà, que tout ce que j'ai fait de mal, j'essaie de me rattraper derrière. Et je vois pas pourquoi maintenant, enfin, pourquoi maintenant tu me traiterais comme si tu me connais pas, alors que, je sais pas, t'as toujours été là pour moi. J'ai c'est toujours moi fait elle de mon mieux elle pour rame, être la meilleure femme. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui t'ont jalousé d'être avec moi. C'est pas allez pour vous rien. Enculer, ça vous en aurez des coups. Jusqu'à maintenant, enfin, ça continue, vu qu'apparemment, on continue à garder de la merde sur moi. Mais moi, j'ai la plaie, j'ai déjà assez pour toi. Là, devant la France entière, je te le dis. Hein. C'est parce que je t'aime la énormément. La France, la Belgique, la Suisse, pas tout le pour moi. Le Canada. Je te bon, on va arrêter là parce que l'autre, elle est en train de... Pour sa dignité, il faut arrêter. Faut pas la laisser couler. Je regrette d'avoir fait la folle plein de fois. Je regrette vraiment... Sinon, je serais pas comme ça. Sinon, je m'afficherais pas devant la France entière. Tu vas me dire des trucs horribles. J'ai l'habitude maintenant. Mais je mérite vraiment pas ça. Alors vraiment, que nous, on lui proposait de venir et tout. Et regarde, tu elle préfère la pharmacie. Tu m'as jamais... Il en a rien pas comme si t'étais rentré à la maison. À mon avis, il a dû déposer le téléphone. Maintenant, j'étais en train de me passer pour un gros connard devant tout le monde. Pas du tout, tu vois. Parce que là, la preuve, j'essaie de me racheter, t'as pas à être méchant avec moi. Parce que ton PC t'appelait, tout, même Léandro et Alex, ils comprennent pas, ils me disent, mais pourquoi il réagit comme ça? Le PC, le truc, tu l'as acheté, pourquoi il vient, je crois, tu lui dis de venir, il vient pas. Ça, personne comprend ta réaction. Là, je te jure, même moi, je comprends pas. Ah, si, moi, je comprends un peu quand même, hein, pour le coup. Hein. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, moi, encore j'aurais si raccroché, été raccroché, je serais genre, j'étais la meuf et je t'avais dit, oui, j'ai fait du mal, je m'en fous. Antoine, ouais. Bon, c'est ouais. Mickaël, dis-moi, c'est quoi les vraies histoires là? Parce que j'avais peur de perdre un peu le fil. Non, les vraies histoires, c'est beaucoup trop compliqué. Hein. Non, en deux mots, un petit résumé comme antenne. Ça, en speed. En speed, ça se passait très bien entre nous et à la fin, ça se passait plus bien entre nous. Donc, ah oui, ça c'est vraiment voilà. Résumé, hein, ça c'est. Oui. Bah ouais. Mais malheureusement, sinon, il faut rentrer dans les détails et on en a pour la nuit. J'ai pas le temps et bon, moi écoute, non plus, j'ai pas le temps. Bon, alors, dans l'absolu, pour résoudre le problème, tu as vécu une bonne histoire, mais c'est fini. Voilà. Voilà. Bon, bah voilà. Hein, j'ai pas envie qu'on soit ennemis. Je la déteste pas. Je te déteste pas, Marcia. J'ai pas envie qu'on soit ennemis. Tu réagis comme ça. Mais oui, mais Marcia, c'est parce que là, t'es en train de le saouler, c'est normal. Mais après, une fois que tu t'auras tourné la page, après, ça ira mieux. Mais je peux pas tourner la page. Mais si, mais moi, tu vas tourner la page. Avec, ben, brûle le livre. Michael. Voilà. Mais oui, t'inquiète pas. Nous, on va t'aider à tourner la page. T'inquiète pas. Surtout Polo. Surtout Polo, oui. Bon, bah écoute Antoine, bon bah merci en tout cas et puis passe une bonne soirée et puis à bientôt. Hein. Ok, bah, salut, bonne soirée Antoine. À tout le monde. Ciao. Salut. Bon, ben Marcia, qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment, faut se faire à l'idée, hein. Il veut pas, tu vois. Fais-lui à l'envers. Marcia, t'es une femme. Fais-lui à l'envers comme toutes les femmes. Enfume-le. Voilà, tu l'enfumes. Si tu veux, Yatoff, il te donnera des cours. Sur l'enfumage, je suis champion du monde. Ah, bah oui, oui, ça, sur l'enfumage, de l'enfume de l'enfume. Marcia, fais comme si tu ne voulais pas de lui et puis laisse-le mariner un peu. Exactement, il reviendra. Fuis-moi, il te suit. Suis-moi, il te fuit. Voilà. Enfin, fuis-moi, je te suis. Enfin, bref, une histoire. Un truc comme ça. Vous avez compris le concept, quoi. Bon, écoute, alors Marcia, reste encore un petit peu avec nous. On va parler avec toi dans quelques secondes. Reste là le temps de se mettre la pub. On va prendre Stéphane. Allez, Johan, on devait faire le jeu de la rupture, on va la faire juste après la pub du coup. Vous êtes toujours là? Ouais. Très bien, vous êtes prêts pour le jeu de la rupture? Oui. Ouais. Très bien, Stéphane, 22 ans, de Lorraine, et Johan, de Meurthe-et-Moselle, bah c'est pas loin. On va revenir dans quelques minutes ensemble avec vous toutes et vous tous, avec la colle. On va en reparler dans quelques minutes avec notre ami Nicolas. Et puis je vous rappelle que vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous tapez simplement M-I-K-L officiel sur Facebook et pareil sur Twitter, mais vous mettez un petit underscore, c'est le petit tiret en bas, donc M-I-K-L underscore officiel. Suivez-moi, je vous suivrai également. Donc pour m'ajouter, c'est aussi simple que ça. Il y a la photo de Toff également à aller voir, hein, celle qui a dragué notre ami Gilou, qu'on écoutera d'ici quelques minutes. Et puis on va s'écouter aussi Eminem, la bombe du moment, découvert sur Fun avec Rihanna. Ce sera The Monster sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Et oui, bonne nouvelle, il y a enfin quelque chose de bien à écouter la nuit à la radio. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Et oui, tous les soirs en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Bienvenue, si vous venez de débarquer, on est là comme chaque soir. Ça fait plaisir évidemment de voir tout le monde. Raphaël qui dit qu'il fait un résumé de ce qui vient de se passer avec la meuf en une douzaine de mots. Marcia, il faut pas se laisser abattre, courage. Et Robs qui dit, je suis content que la coupe de brosse à chiottes de Toff marche bien, je suis fier de moi. Ouais, c'est lui qui avait lancé l'idée, hein. C'est dédicace au collège de Noisy et Victoire. Et Stéphanini qui dit, je note que Toff est champion du monde d'enfumage. Oui, bah, il le dit, hein, il l'a avoué. Et Alexou qui dit, ah là là, il ne reviendra pas, laisse tomber Marcia. Baptiste qui dit, les enfants et qui foutent la merde. Mais non, on n'est pas comme ça, nous. Déjà, effectivement, oui. Et alors, il y a Prasel qui dit, Marcia, faut que tu arrêtes là, passe à autre chose. Et Henri qui dit, une PlayStation, c'est sacré, pas le droit de l'acheter, je le comprends. Évidemment. Bon, allez, 23h47 sur Fun Radio, on refait un point sur la colle avec Nicolas dans quelques minutes. On va faire le jeu de la rupture, on va appeler aussi des gens, pas mal de monde a envoyé le numéro de téléphone de personnes encore debout à cette heure-ci sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, pour savoir combien de fois est-ce que vous faites l'amour par semaine, puisqu'apparemment, si un mec fait plus de 4 fois l'amour par semaine, il devient plus riche. Alors c'est une étude sur internet, on va évidemment vérifier ça, hein. Si donc, vous voulez qu'on devienne riche, toff@funradio.fr. Bien sûr, évidemment. Bon, allez, allez-y, venez, puis c'est la nuit sans pub, la plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno Guillon demain matin à partir de 6h. Et puis bah c'est parti, il se passe enfin quelque chose à la radio la nuit sur Fun Radio après Eminem et Rihanna de Monster. Eminem, Rihanna et Monster à l'instant sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer, bienvenue, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble tous les soirs sur Fun, de 23h à 2h la semaine, de 20h à minuit le dimanche soir. Et y a Louis aussi qui dit pour l'émission début décembre. Ah oui, parce que j'ai mis un post tout à l'heure, parce qu'on va venir vous voir début décembre. Je sais pas encore exactement quelle date et je ne sais même pas d'ailleurs où non plus. Et d'ailleurs, on est en train de voir en fonction de vos avis, où est-ce que vous voulez qu'on vienne vous voir. En gros, qu'on fasse l'émission un dimanche soir en direct de chez vous, qu'on passe le week-end avec vous à faire des conneries. Donc si vous voulez qu'on vienne dans votre ville, dites-nous tout simplement sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, ou alors avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. N'hésitez pas, vous nous demandez. Il y a Louise qui dit pour l'émission début décembre, pensez à venir peut-être en Corse. Ça vous changera un peu d'air, on a des belles vues, des belles plages et surtout c'est une expérience un peu différente. Ouais, mais Toff il est wanted en Corse, ouais. Il a appelé trop de fois les Corses et si on va là, il se fait tuer. Et il se fait tirer par une voiture jusqu'à Fouriane. Exactement, oui. Il y a Gilles qui dit coup de pelle s'il vous plaît pour le retard. Bah, il vient d'arriver, bah, bravo, effectivement, coup de pelle. Et puis vous êtes des enfoirés les gars avec Marcia tout à l'heure, c'est Echo qui avait envoyé le message. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. Et il y a Cara qui dit, il y avait longtemps que je n'avais plus vu Mickaël, avoir hâte de voir Jared Leto. Ah, ça me rappelle des rumeurs marrantes. Mais non, mais j'ai juste mis sur le Facebook tout à l'heure qu'on écoutait un son de 30 Seconds to Mars dans le studio, histoire de se donner la patate, et qu'on allait le voir avec Polo et Toff vendredi en concert. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. Mais d'ailleurs, ma mère, à qui j'en parlais encore tout à l'heure, me disait que tu devrais essayer, que tu n'avais rien à perdre. Essayer quoi? Bah avec Jared. Mais j'en ai rien à foutre, vous êtes sérieux, hein. Peut-être tu pourras avoir une bonne surprise. Mais je m'en bats les couilles. Mais c'est un problème, c'est ça. Genre, t'appelles ta mère, faut parler de ça. Non, elle m'a appelé pour me parler d'un autre truc. Et donc je lui ai dit qu'on allait au concert de Jared Leto. Et donc voilà, elle m'a dit non, mais il faut qu'il y aille. Mais oui, en plus, c'était bonne humeur. Ma soeur venait de lui annoncer qu'elle allait se marier. Donc... Oh, Mazel Tov. Mazel Tov. Non, mais attends. Non mais oui, on y va, on va au concert, mais pas ça, j'y vais aussi, c'est pas un problème. Ça ne l'un n'empêche pas l'autre. Enfin ouais, voilà, moi ça. Elle te souhaite tous ses vœux de bonheur. Bah, c'est super, mais j'en ai rien à foutre, ça n'a aucun rapport. Mais en fait, ta mère veut que Mike fasse quoi? J'ai pas compris. Aller au concert, c'est ce que non, je vais faire. Qu'elle aille. Qu'il y aille. Eh ben, oui, qu'il y aille, qu'il y aille au concert. Ah, va se faire enculer. Oui, c'est ça qu'elle parle, oui, justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a Thomas qui lit un petit message de bienvenue pour un Canarien qui vous écoute tous les soirs. Vous déchirez l'équipe. C'est Thomas de Tenerife. Bah, bien sûr, avec plaisir. Alors, vous êtes un salaud. Bah, voilà. Et sinon, elle voulait écouter Backer Matt, mais enfin bon. Qui c'est ta mère? Oui. Bah, la cassage les CD, elle est sérieuse. Tu peux dire à Mickaël qu'il se fasse ramener et qu'il mette Beckerman. C'est ça, je vois les conversations de merde avec sa mère. Ma mère passe des messages, moi je te les transmets. Ouais, je vous écoute en ce moment, je peux avoir mon message de bienvenue s'il vous plaît. Notre maman dégueulasse. Eh oui, et Chris qui dit message de bienvenue également pour Mathieu s'il vous plaît. C'est Mathieu. Alors un message de bienvenue bien sûr. Toi fils de pute d'enculé de ta grand-mère. Bah voilà. Allez, bon, avant de récupérer notre amie Martial, le temps qu'elle redescende un petit peu et qu'elle se reprenne, qu'elle se remette de ses émotions après l'appel avec Antoine, on va se faire la colle également brièvement là, la colle avec Nicolas. Allô Nico. Ouais, toujours là. Tant mieux. Bon Nico, alors la colle maintenant, je rappelle le principe, tu poses une question, si quelqu'un a la bonne réponse, il faut qu'il envoie un SMS avec la réponse ou aller sur le Facebook avec la réponse. Et donc si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est appelé en direct, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou qu'on tombe sur le répondeur quand on appelle en direct, eh bien c'est toi qui gagneras. Vas-y Nico. Okay. Vas-y. Alors quand je suis debout, eux sont couchés, et quand je suis couché, eux sont debout. Qui sont-ils? Oui. Voilà, on proposait les parents. Non. Le soleil. Non. Un hibou. Non. Des spermatozoïdes. Non. Non, la lune. Non. Proposer des doigts. Non. Il y a Guillaume du Robillard qui dit les chinois. Non. Une chauve-souris. Non. Non, très bien. Bon, c'est les chinois, c'est Julien, non, on avait déjà dit non. Une poubelle. Non plus. D'accord, il y a Mélanie qui proposait la lune. Non plus. Non, bon bah tant pis alors. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y, maniez-vous. On donne la réponse vers 12h30. Vous envoyez simplement M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 par SMS pour la Belgique. Vous pouvez aussi jouer via le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Bon bah Nicolas, je répète encore un coup, quand je suis couché, ils sont debout. Quand je suis debout, ils sont couchés. Qui sont-ils? Et ils sont visiblement plusieurs. Voilà. Très bien. Bon bah allez-y, bonne chance pour la réponse. Et puis bah Nicolas, Nintendo 3DS XL a gagné peut-être pour toi ou celui qui aura trouvé la bonne réponse. A tout à l'heure Nico. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et puis avant de récupérer notre ami Marcia, avant de faire les premiers appels avec Toff, eh bien nous allons prendre Johan et Stéphane pour le jeu de la rupture. Vous êtes là tous les deux? Oui, c'est vrai. Parfait. Bon, on va y aller. Stéphane, 22 ans de Revigny en Lorraine. Et Johan de Nancy, Meurthe-et-Moselle, où on était d'ailleurs il y a 2 semaines et demie. C'était dimanche dernier, enfin pas dernier mais d'avant encore. T'étais passé nous voir Johan? Ouais. Ah, parfait. Très c'est bien. Parti celui qui avait le pull noir. De quoi? Si c'est moi qui avait le pull noir, US Marshall. Ah ouais, il était horrible. Bien bon, sûr. Bon, Johan et Stéphane, on va démarrer maintenant. Le principe est simple, on va donc appeler des gens au hasard. On ne sait pas, ça va être des garçons, des filles, des vieux, des jeunes. On ne sait absolument pas sur qui on va tomber. Mais le but étant donc de faire une conversation la plus longue possible de rupture. Donc on appelle, un peu comme Marcia vient de prendre. Hein Marcia? Oh là là. Voilà, oh mais ça va Marcia. Allez pose ta tête sur mon épaule, t'inquiète pas. Tu veux que je te joue un peu de guitare? Oui un peu. Allez vas-y. Ah je l'ai mal accordé cette fois. Oh ça va. Allez je te chante juste un tout petit bout là. Allez c'est pour toi, voilà regarde Marcia c'est pour toi. Pas mal hein. Attends, je reprends encore un petit peu pour toi. Voilà. T'as vu, ça va mieux? Non. Non? Oh. Voilà, ça va mieux là ou pas? Non. Non, et là? Non. Non plus, merde. Toff, lève la jambe. Et là? Ah ben voilà, là ça va beaucoup mieux là. Bon Marcia, et arrête de lui écrire, je t'ai entendu tapoter sur ton téléphone, t'es. Non, je regardais juste si j'avais reçu un texto. Ouais, bah, tu le reçois pas, hein, Marcia, reste calme. Bon, Stéphane et Johan, bon, reste avec nous. Hop là, Stéphane et Johan, on va appeler donc quelqu'un, discussion de rupture. Vous avez bien compris le principe du jeu ? Oui. Allez, c'est parti, on va commencer au hasard par Stéphane. Hop. D'accord ? Ok, ouais. Allez, c'est parti, il faut faire mieux que Johan, évidemment. Allez, conversation Stéphane de rupture. Ouais. Vas-y, Steph, on est là, dès que tu n'entends plus la musique, c'est qu'il faut dire allô. Ok. Décroche. Ouais, j'espère que ça va. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, c'est fini entre nous. Hein ? C'est fini entre nous, il y a une rupture et tout, il m'a envoyé des messages et tout, et c'est vraiment fini pour, entre nous et tout. Et tout. Tu as téléphoné où ? C'est bah oui, mais il y a une rupture. Mais c'est qui ? Bah je sais pas, je sais pas, j'ai vu sur mon portable qu'il y avait une rupture entre nous deux. C'est pour ça ? Mais tu as téléphoné, qui ? Bah, je sais pas, je sais pas, c'est toi qui m'as téléphoné pour me dire qu'il y avait rupture. Là, je comprends pas, hein. Bah, moi non plus, j'ai eu un appel là sur mon portable et tout, j'ai décroché et tout, puis il y a eu une rupture. Ah, là, je comprends pas. Bah, moi de même et tout. Il a de la chance, hein. Il est mauvais, mais il a de la chance. Et tout, voilà quoi. On lui a dit que c'était pas deux, plus de rupture qu'il fallait placer. Ouais. Bah je sais pas, il y a une rupture. Je sais pas, je comprends pas non plus moi madame. Ah bah elle est partie là Stéphane, une minute. T'as tenu une minute et pourtant t'as été mauvais Stéphane, hein. Ah bah. Mais bon c'est bon, t'as fait une minute, c'est le principal, hein. Non mais il faut faire une conversation genre voilà c'est fini entre nous. Là t'as dit ouais il y a une rupture, il paraît qu'il y a une rupture, c'est genre t'as vu ça aux infos. Donc bon, allez, Johan à ton tour. Ouais. Il y aura la deuxième manche après, rassurez-vous. C'est parti, on y va, on appelle maintenant. Bonne chance Johan, une minute, score à battre. Dès que la musique s'arrête, c'est à toi. Allez. Allez Johan. Ouais, bah c'est pas gagné. Hein. Bon, on va appeler un autre. Même toi. Hop là, non, celui-là à mon avis c'est mort, là, on appelle un autre là. Ça y est, la poisse. Ouais. Oui, dehors. Allô ? Ouais. C'est un roupil. Et c'est pour te dire que c'est fini entre nous. Va te faire hein ? C'est pour te dire que c'est fini entre nous. Bah, va te faire tu m'en fais d'appel tous les jours, j'en ai marre. Puis bah voilà, à force, tu m'envoies pas de texto, tu me dis pas de je t'aime, tout ça, bah... Pourquoi ça a commencé quand entre nous ? Je sais pas. Ou alors c'est parce que tu m'envoies pas des je t'aime, tout ça. Ben, si tu veux, même je pas te des, si tu même veux, pas je... des même pas des tu manques, tu m'as rien du tout. Ah bon? Mais ouais, je dis stop parce que j'en ai marre. Ben, tant pis, mais alors c'est fini alors. Et voilà. Bon ben salut alors. Mais... À la prochaine. C'est la prochaine. C'est lui et bonne chance tient. La prochaine tu fois. Tu lui diras bonjour. C'est lui qui relance, hein. Ouais. Hein. Il fera un gros bisou. Oh, qu'ils sont mauvais. Ouais. Ok. Ouais. Allez, salut. Non, qui joue là? Il faut donner le cadeau à l'autre mec là. C'est pas... Oh c'est putain, Johan, t'as pas été mauvais non plus. T'as été très mauvais. C'est... Donc, alors une minute sept. Hein, donc Johan, c'est toi qui l'emporte pour le coup. On va encore faire la deuxième manche après. Mais attends, Johan, on avait l'impression que c'était l'autre mec qu'on appelait qui jouait en fait. C'est un truc de dingue. Ah ouais. C'est surtout quand tu es mauvais. Surtout... J'ai tenté moi. Oui non mais bien sûr. Mais t'as tenté, c'est bien. Mais ça m'a scotché là. Bon, bah Johan et Stéphane, restez avec nous. On va faire la suite dans quelques minutes. On va essayer de récupérer Marcia aussi dans quelques instants. Et puis on va faire les premiers appels avec Toff. On aura dû les faire déjà, mais on va les refaire. On redécouvrira pour les nouveaux auditeurs, là, ceux qui n'étaient pas avec nous hier en fin d'émission, notre ami Gilou, la nouvelle star de l'émission, hein, qui a essayé de draguer Toffette, hein, que vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis on est tombé sur une actu très sérieuse qui dit qu'apparemment les mecs quand ils sont en couple, en tout cas s'ils font l'amour plus de 4 fois par semaine, ils sont plus riches que ceux qui le font moins que 4 fois par semaine. Bah, il paraît. Bah voilà, c'est ça. Donc moi, on y va. Je suis à 0 fois par semaine, donc bon, ça oui. explique des choses. Bah pourtant, avec toutes tes meufs, je comprends pas. Hein. Bah ouais, mais il y en a aucune qui veut baiser quoi. Bon, arrête ton cinéma. Bon, on y va, c'est parti. On appelle maintenant le premier grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le Facebook, sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti. Est-ce qu'il y aura de nouveaux amis? Oui. Oui, bonsoir madame. C'est pas madame, hein, ah, monsieur. Pardon, excusez-moi monsieur. Je voulais savoir, est-ce que vous gagnez bien votre vie? Ça va, on regarde. Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle monsieur. Bon, allez, bonsoir. Allez, bon, allez, bonsoir. Bonsoir, on rappelle. Il avait l'air gentil. Ah, au trait. C'est parti. Et suite de la rupture dans quelques minutes, on écoutera aussi le son de... Oui. Oui, excusez-moi monsieur, mais on a été coupé et vous n'avez pas répondu à ma question. Bon, écoutez, bon, je vous emmerde et foutez-moi la paix, hein. Pourquoi t'en... Allô. Oui, bah il a raccroché là, attends. Donc je disais de Global DJs, bon, on va le rappeler. Encore une fois, le monsieur, c'est parti. Non, mais je gagne bien ma vie, c'est pas les couilles, je gagne bien ma vie, point. Mais vous êtes sûr, monsieur? C'est notre fils, à mon avis, qui a dû décrocher ou je sais pas qui, mais bon, ben on va arrêter avec celui-là, c'est pas grave, on remettra. Bah oui, oui, c'est plutôt con, oui, effectivement, mais bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, on va s'écouter le son de Global DJs maintenant sur Fun Radio. On revient juste après. Marcia, on va essayer de la récupérer. Stéphane et Johan pour la suite de la rupture. On aura Nicolas avec la colle et puis on va encore faire d'autres appels. D'ailleurs, dites-nous combien de fois est-ce que vous faites l'amour par semaine? Sandro. Me regarde pas, bah zéro. Tof. Zéro. Zéro. Polo. Là en ce moment, bah, c'est plus que zéro. Oh putain, l'équipe de nuls. Oh, bah, l'équipe de merde. Non, on bosse, on oh, est là. Oh l'équipe de merde. Ouais, oh l'équipe ça, de on merde. Est, on est débordés, c'est ouais, ah, ouais, on n'a ouais, ouais. pas le temps. Trop de travail. On va se fourrer là. Mais ouais, Marcia par exemple. Merci, ouais. Trop de travail, trop de travail. Bon bah dites-nous les autres, appelez-nous les garçons, les filles. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Combien de fois par semaine est-ce que vous faites l'amour pour voir si vous êtes censé devenir riche ou pas, justement. Minuit 5 sur Fun. On est au cœur de la nuit sans pub et il se passe enfin quelque chose de bien à la radio la nuit. Bienvenue sur Fun Radio tout le monde. C'est Mickaël No Limite. On est là de 23h à 2h tous les soirs sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Global DJ sur Fun Radio, c'était Kids. Bienvenue tout le monde, si vous voulez d'arriver là, minuit 9. Il y a Cara qui dit ils avaient les meilleurs interlocuteurs du monde et ils étaient archi mauvais. Ah bah, ça c'est sûr. Félicia qui dit mort de rire, l'autre mec offrait lui un cadeau, il était épique, il a tout suivi le mec, il a rien dit, même pas bronché. Et SFJ aussi qui dit ils sont très mauvais. Eliria pareil, ils sont pas super bons ce soir au jeu de la rupture. Cheyenne qui dit oh qu'ils sont mauvais. Cara également qui dit sur le Twitter ah la maman de Tof, je suis d'accord avec elle pour Jared Leto et Mickaël. Mais arrêtez un peu de me casser les couilles, c'est quand même le droit d'aller voir c'est un mec beau, en concert sans que ce soit un truc vous êtes sérieux là. Bah, c'est hein un ami. Bah oui oui exactement, bah voilà, mais c'est tout. Bah oui, est-ce qu'on a dit le contraire? Bah oui visiblement. Il y a Yves aussi qui dit il se passe enfin quelque chose de bien la nuit sur Fun Radio. Bah oui Yves, enfin en tout cas tu me dis hein, si t'es pas d'accord, pas de problème. Le prince Nadia, j'étais en train de boire un Actimel quand soudain je repense à ce qu'a dit Gilou hier soir. Ça m'a coupé l'envie de boire étrangement. Bah écoute, je comprends pas, pourtant Gilou est quand même le mec le plus classe quoi. Oh, j'aime le sperme. Voilà, c'est ça, un truc bien quoi. Oh, mec romantique. Quelle dégueulasserie. Il y a Kinoinoi aussi qui dit 4 fois par semaine. Bah oui quand même, c'est ce que je vous demandais, si vous faisiez l'amour plus de 4 fois par semaine. Il y a Uncut aussi qui dit mort de rire, gros fouteur de merde et c'est pas normal, depuis le début j'ai pas eu mon message de bienvenue. Comment ça se fait? Tout simplement pas. Et je vous emmerde, je vous exècre. Voilà, Didier, venez sur Nantes, on prendra un mojito ensemble. Nantes, c'est ok. Bah, on verra, à vous d'aller voir hein, sur le Facebook de l'émission. On verra quand est-ce qu'on s'arrête et dans quelle ville. Voilà, ce sera début décembre, mais on sait pas encore dans quelle ville. Venez à Bolène dans le Vaucluse, il n'y a rien à faire. Bon, on va se marrer, tiens. L'Abnée Velouté, venez à Lyon également. Il y a Romain, venez à Limoges, c'est une trop belle ville. Bonsoir les mecs également pour Diane. Big Kiss, j'adore votre émission et je vous adore. Bah, merci Diane, on t'adore aussi. Et puis Warren qui dit, putain, je suis allé voir le Facebook de la photo de Tofette. Elle est vraiment dégueulasse. C'est pas faux, ouais. Et Alexandre également, salut. Elle a l'équipe. Du charme. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Salut l'équipe, Mickaël, No Limite, barre de rire et bonne humeur, merci à vous. Et dédicace à Vincent au poste de garde d'Intermarché, c'est Alex de Lyon et SFJ encore qui dit qui est la patronne, c'est Tofinette, bien entendu, évidemment. Mais on arrive. Ah, on a récupéré, on n'arrive plus à récupérer. Non, elle répond plus. Hein. Oh putain, Marcia, t'es pas sérieuse là, Marcia. On a moins de dire au revoir. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Si tu nous rappelles quand tu veux, il n'y a pas de problème. On va parler aussi des relous. des teubés plutôt, hein. Bah allons-y. Bah les teubés de la télé, il faut bien en parler à un moment ou à un autre, hein, justement. Bon, les abrutis. Bah oui, justement, avant de refaire la suite du jeu de la rupture. Dans le mag, alors écoutez bien, on est encore évidemment au top, top, top du glamour. Et donc, j'ai choisi les chiens parce que je suis allergique aux chats et à la chatte. Voilà. Non. On s'excuse. Où sont vos oreilles? On s'excuse. J'ai pas mes oreilles, par contre, j'ai la queue. Oh non. Ah, la grande classe. C'était mignon tout ça. Ouais, et après, évidemment, on parle de problème d'un bon pâtissier. Hein, c'est qu'il n'est pas toujours un bon bon en français. Alors, hier soir, on a découvert cette nouvelle expression. Et sa qualité, c'est qu'elle est super rendante de service. Bah, c'est une expression des Vosges, tu connais pas, c'est normal. Je sais pas comment on dit ça, quelqu'un qui te rend service. Rendant de service. Voilà, elle est rendante de service. Ah ouais, rend service. Mais je sais pas comment on dit quelqu'un qui rend service. Bah on dit quelqu'un qui rend service en fait, tout simplement. Mais là c'est rendant de service. Dites-nous s'il se fout de notre gueule, si vous êtes dans les Vosges là, dites-nous si on dit effectivement ça comme ça, rendante service ou pas. Et puis enfin dans les amours, on a enfin un homme honnête et c'est le principal. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Francis? Rien, Tex, je travaille à la sécurité sociale. Voilà, comme ça vous faites pas mal. Oh là là là là, mais au moins il est franc. Il est honnête, hein, ouais. Si tu veux, dis la vérité. Bah oui, bon, je vous repasse Gilou dans quelques minutes pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir en fin d'émission. Et avant ça, eh ben on va d'abord terminer le jeu de la rupture avec Johan et Stéphane. Stéphane qui a fait 1 minute, Johan qui a fait 1 minute 07. Donc ça reste quand même relativement serré, hein. Johan. Ouais. Ah, vous êtes encore là sinon, hein, parce que. Oh bah oui. Des fois vous avez endormi. Bon, Johan, t'as fait 1 minute 07. On remet le couvert, c'est toi qui commence cette fois-ci. C'est parti. Changer de tactique, hein. Eh ouais, bah oui, changer un peu de tactique, hein, on sait jamais. Hein. Dès que la musique s'arrête, c'est à toi, il faut dire allô, Johan, on y va. Ok. Et les autres, profitez-en, hein, sur le Twitter. Allô? Ouais. Oui, c'est pour te dire bah, que c'est terminé entre nous. Parce que j'en ai ras-le-bol que tu sois rouleau après moi. Tu vas, à force, tu vas faire bien casse-couille. Donc, tu as trompé de numéro, donc tu peux lâcher tout de suite l'affaire, là. Non, non. C'était pour te dire ça. Puis bah. Mais c'est qui, là? Ça va me gaver, vas-y, t'es qui? Tu sauras pas. Déjà, bah alors, tu me dis ça alors. Vas-y, ferme ta gueule, va te faire enculer. Oui. Bisous. Ok. Ok. Johan, j'ai beaucoup aimé le bisous. Ouais ouais, c'est ça. Johan, quand elle t'a dit mais tu crois parler à qui, t'auras dû dire bah à toi. Là tu dis je te dirai pas, donc ça c'était flingué le dos. Fallait enchaîner. Bah t'as fait 35 secondes Johan, t'as pas été mauvais, t'as été très mauvais, coup de pelle. Voilà, les pensées dans ta gueule. Voilà, bon Johan, bon heureusement que t'as fait 1 minute 07 en premier. Stéphane, si tu bats 1 minute 07, c'est toi qui gagne. Ok. Bon allez, à toi de jouer mec, c'est parti, on y va, on l'appelle. Bonne chance Stéphane. Essaye d'être meilleur que Johan, hein. Ouais, on va essayer. Et meilleur que toi tout à l'heure, hein, parce que tu n'as, là aussi tu n'avais pas été très très bon, hein. Et donnez. On est où là, à l'étranger là? Non. Alors le gars était à l'étranger. On l'appelle. On l'appelle sur pas un grave, portable. On est blindé. Ouais, mais enfin pas lui, hein. C'est lui qui paye l'internationale, pas nous. Ah, les vrais radins ils décrochent pas, hein. C'est clair. Bon, je pense qu'on va appeler un autre numéro, hein. Ouais, on va appeler notre numéro là, c'est pas grave. Bon, allez hop, on en appelle un autre Stéphane. Et continuez à donner vos avis aussi sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. On fera un topo du top tweetos. Bon, jusque là vous avez tout fait bien. Vous avez fait le numéro de Kevin. Bon, admettons, le gars il est pas là le gars. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment là, vous laissez un message. Et s'il veut, il vous rappelle le gars. Oh, qu'est-ce que c'est mauvaise communication. Allez, on y va, on rappelle Steph, on appelle un autre, c'est parti. Donc okay. Hashtag Mickaël sur le Twitter pour donner vos avis. Et je vous rappelle qu'on fera un petit tour du côté du top tweetos dans quelques instants. Savoir quel auditeur est élu pour l'instant, en tout cas, meilleur auditeur de la soirée. Avec le hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages sur le Twitter de l'émission. Allez, on en appelle encore un autre. Je vais voir que le dernier va nous porter la poisse, comme d'habitude. Allez, allez. On en appelle encore un autre. Ça va bien décrocher un moment ou un autre. Allez. Oh, cette poisse. Bon, allez, on enchaîne. On va finir par en avoir, hein. T'inquiète pas, Stéphane. Hein. Okay. 1 minute 07, score à battre. Non, mais c'est pas sérieux. Décroché, là. Oui, là, il vaut mieux, ouais. On en appelle encore un autre, là, c'est pas grave. Allez, hop, on enchaîne. On enchaîne. Il y a pas de maxi, il y a pas de limite. Non mais allez, merde. Le dernier là, il faut qu'il décroche en jouant, c'est tout. Et allô? Allô? Oui, c'est pour te dire que c'est fini entre nous. Tu m'as vraiment porté la poisse, c'est tout. Et je ne suis pas une amie, hein, vous devez faire une erreur. Ah non, je fais pas erreur, je parle à vous et c'est la bonne personne qui est concernée, madame. Donc, je parle à vous là, madame, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé de personne. Madame Thomas? Bah non, c'est pour te dire qu'il y a une rupture et que c'est fini entre nous. Donc je ne me suis pas trompé de numéro. Là vous êtes 0280 08. Le bon numéro. C'est le bon numéro, madame. J'ai 62 ans. Ouais, bah c'est bon, madame. C'est le numéro que j'ai recherché, puis la personne que j'ai recherché pour dire que il y avait une rupture entre nous et puis que c'était fini, quoi. Une rupture. Ça concerne quoi, ça celui-là? Bah ça concerne que on s'était disputé puis que maintenant je décidais de faire une rupture, quoi, madame. Mais je vous connais pas. Il fait une rupture. Je vous connais, madame, on s'est déjà vu l'autre coup. Où? On s'est vu en ville, dans un bar. Au jardin? Dans un bar, madame, on s'est vu. C'est là parce qu'elle dit, il est dans un bar, elle dit au jardin. Pour ça, quoi. Oui, mais je vous ai jamais parlé, hein. Ah si, moi je m'en rappelle, madame, c'était bien vous, hein, madame. Hein. Il a une après, chance, il a lui. C'est pour ça. Hein? Ah, elle voit pas. Bah moi je vois, madame. Hein. Ouais, je elle vois voit très pas. Bien. Hein. Ah, mais elle voit pas. Je me suis pas trompé de personne. Hein. C'est le numéro. Hein. Bon, bah elle a raccroché. Bah, il était temps. Hein. 1 minute 35, Stéphane. Ouais. Bien vu, Stéphane. Ah ouais, et c'est pas que vous étiez bon, hein. Mauvais. Ah ouais, mais t'es content, mais t'as eu de la chance, hein, Stéphane, hein. Il y a une rupture entre nous. Ah ouais, parce qu'il y a une rupture, mais ça veut rien dire. Pourquoi tu dis il y a une rupture? Oh, bah, c'était pour faire genre, quoi. Mais l'autre, elle a pas raccroché, quoi. Ah ouais, parce qu'il y a Clem qui dit, putain, ils sont nuls ce soir, là. Encore Clem qui dit, t'imagines, ton mec vient de voir et dit, il y a une rupture entre nous. Ah non, j'ai pas été nul, hein. Si, t'as été très mauvais. Mais t'as quand même gagné, c'est pas le problème. Hein. Rodriguez 91 qui dit aussi, oui, Mickaël, les Vosgiens, ils disent vraiment ça. Et ma mère est Vosgienne de Saint-Dié dans les Vosges. Ah bon, bah d'accord, ok, alors pourquoi pas. Alors très bien, il s'est pas foutu de notre gueule. Il y a Raphaël aussi qui dit, le mec il utilise souvent rupture dans ce qu'il dit. Bah oui, visiblement oui, c'est un peu ça. Et Shaman qui dit, la pauvre vieille risque la rupture d'anévrisme. Que d'humour. Bon bah Stéphane, c'est gagné. Le pack mémoire 110 qu'il est pour toi. Tu vas retourner chez Sandro Standard, on va te filer ça, d'accord? Ok, ça marche. Salut. Et Johan, ouais, tu vas gérer ça, pas de problème Johan. Salut à toi, à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt à vous deux, bye bye. Bon, allez, retour avec la colle, brièvement maintenant, avant de prendre Alexandre, avant de prendre Romain également, là, qui voulait parler d'amour. Oh, ça va être beau. Ah oui. Mais oui. Bon, Nicolas, on récupère un coup, là, pour la colle, avant de récupérer notre ami Gilou, là. On vous avait présenté ce magnifique personnage hier soir. T'étais à l'écoute ou pas, Nicolas, hier soir? Hier soir, pas jusqu'au bout, non. Ah, oh, t'as raté le top, t'as raté Gilou. Ouais, bah, comme je branlais 3-4 fois, c'est tout, ouais. Bah oui, c'est ça, ouais. Oh, arrête, tu me fais. Mais oui. Sacré Gilou. Ah oui. Je te sucerais le sang et tout. Ah non, merci Gilou. Ah oui, bah pourtant c'est proposé avec tellement de gentillesse. Bon, alors vas-y, vas-y Nicolas, pour la colle, on répète alors, la colle encore une fois. Je rappelle que pour ceux qui ont la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique ou même sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vas-y Nico. Alors quand je suis debout, eux sont couchés. Et quand je suis couché, eux sont debout. Qui sont-ils? Voilà, qui sont-ils? On proposait des vampires. Non. Les saisons. Non. Les moustiques. Non plus. Les poils. Non plus. La langue pour la colle, c'est Juju. Non, la langue elle est toute seule. Ah oui, elle est toute seule. Oui, c'est vrai, en plus ils sont deux, c'est en effet. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, M.I.K.L. Vous envoyez M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. Allez-y, rejoignez-nous. Et vous pouvez aussi m'ajouter sur le Twitter, tant qu'à faire, hein, tant que vous êtes là. Vous tapez M.I.K.L. Et venez à Lyon la prochaine fois. Ah bah pourquoi pas, tiens, on va voir. Ouais, peut-être bien. Donc M.I.K.L. _ underscore officiel. Le underscore, c'est le petit tiré en bas. Donc je vous attends. Si vous me suivez, je vous suivrai également avec plaisir. Et Mickaël underscore officiel sur Twitter. Bon, bah Nicolas, on va te récupérer. On donnera la réponse. On va essayer d'ici une petite dizaine de minutes, ok? Ok, ça marche. Bon, bah bouge pas. On fera encore d'autres appels avec Toff pour voir combien de fois est-ce que vous faites l'amour par semaine. Puisque si vous faites plus de 4 fois l'amour par semaine, eh bien vous serez riche apparemment. Donc on appelle des gens pour le savoir. Et donc je voulais savoir, vous, combien de fois est-ce que vous faites l'amour par semaine? Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et juste après le son de Kesha et Pitbull Timber qu'on écoute maintenant sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub, on vous présentera notre ami Gilou qu'on a eu hier soir en fin d'émission. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était du caviar. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, toutes les nuits, on est là de 23h à 2h. Il n'y a pas de pub sur Fun Radio. Jusqu'à la fin de l'émission, là, pépère. On est à la cool. Il y a Ronnie qui dit c'est taré sérieux, vous êtes des imbéciles. Il y a Samir qui dit fout le bordel pour moi et tous ceux qui vont au lycée demain. Et puis un petit coup de paye au Travelo. C'est off ça, le Travelo. Vous pouvez aller voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Il y a Céléa qui veut un message de bienvenue également, d'accord, avec plaisir. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah voilà, tout simplement. Et le malvoyant qui dit aussi, Gilou, quand il se branlait, on dirait l'auditrice que t'as eu au téléphone en train de textoter, oui. Ça y ressemblait un petit peu en effet. Et Ariel qui dit, ça fait 22 ans que je suis pauvre, ce serait donc ça. Bah oui. Je vous rappelle que l'explication est là. Voilà, ceux qui ont des rapports sexuels plus de 4 fois par semaine sont riches. Et donc on appelle des gens depuis tout à l'heure là pour essayer de voir comment ça se passe chez eux. On n'a pas eu beaucoup de chance en termes de réponse, mais on ne va pas se laisser abattre. On rappelle. Jamais. Allez, c'est parti. On rappelle. Et juste après, je vous mets Gilou qu'on a eu hier soir en fin d'émission et qui nous a fait notre soirée hier soir. Oh là là, si vous n'étiez pas là à 2h, vous aviez raté quelque chose. Hein. Oui, allô ? Oui ? Oui, bonsoir madame. Oui, vous avez vu l'heure, monsieur ? Bah oui, j'ai vu l'heure, madame. Donc au revoir, monsieur. Bah attendez. Oh putain, la violence. Ah c'est hop là, on dégage vite fait, hein, dis donc, on n'a pas de temps là. Bon, on rappelle. On pourra quand même répondre à la question. Enfin, nous laisser poser la question. Ouais, c'est mieux. Oui. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, j'ai pas le temps de vous demander. Oui, bah je suis désolée, monsieur. Il peut arriver n'importe quoi dans ma famille, et là vous m'appelez. Bah oui, mais là je vous appelle parce que j'ai une question à vous poser, madame. Oui, bah je m'en fiche de votre question, monsieur. Au revoir, monsieur, bonne soirée. Poli, hein, poli. Ouais. Respectable. Ouais. Tout s'est bien passé, ouais. Parfait. Bon, bah on rappellera d'autres personnes tout à l'heure, c'est pas grave. On va prendre Laura avec nous maintenant, la 20 ans de Paris. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, oui. Bon, très bien. Laura, sois la bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah savoir combien elle mesure déjà. Non, je pense pas que ce soit vraiment pour ça qu'elle appelle. Mais si, elle est venue pour ça. Laura, combien mesures-tu? 1m57. Combien pèses-tu, Laura? 64 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne? Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Oh oh! Bon bref, et donc Laura, tu nous appelles pourquoi? Moi j'avais envoyé un message parce qu'en fait j'ai ma radio qui est... Enfin j'ai ma chaîne. Ah oui, bah oui, tu m'as envoyé un message sur Facebook. Oui. Eh bah très bien, bah voilà, donc du coup comme t'as plus de radio, tu veux qu'on te mette dans le standard, comme ça t'écoutes l'émission. C'est ça. Eh bah c'est très bien. Bon, bah du coup reste là. Est-ce que tu les écoutais hier soir à la fin de l'émission vers 2h-10? Oui. Ah, donc tu connais Gilou? Oui, bien sûr. Ah bah évidemment. C'est ah bah elle fan d'ailleurs, elle voudrait le rencontrer. Ah oui, attends, il y a Nelly aussi avec nous là, Nelly 25 ans de Limoges là. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, plutôt bien aussi Nelly là, 25 ans de Limoges. Est-ce que t'écoutais l'émission hier soir? Non, pas du tout. Ah, alors tu ne connais pas Gilou? Non. Ah, et tu sais que tu as raté beaucoup de choses. C'est vrai? Ah oui, Gilou, c'est lui, alors écoute bien. On va faire l'amour, voyons. Eh bah oui. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Ah, ça te donne envie ou pas, Nelly? Non. Ah, alors attends, parce qu'il n'a pas terminé. Oh, arrête, tu me fais manger. Ah oui. Toujours pas? Si, là, tout de suite, ça fait la différence. Parce que sinon, j'avais le coup final. Oh, tu aimes le sperme? C'était la grande classe de notre ami Gilou hier soir. Bon bref, pour ceux qui n'étaient pas là, avant de te prendre Nelly au standard bien entendu. Ah, oui, au standard, je peux pas faire un truc avant?

Au revoir, mon Gilou. Allez, salut, ma chérie. Au revoir. Au revoir, mon Gilou. Salut. Oh, il était au taquet quand même. Il était bon ou pas, notre ami? Oh, mais quel hein. Alors, Nelly, toi qui étais pas là hier, il était bien ou pas, là, notre ami Gilou, là? Ah, il y a du champion, hein. Ah, ben, il y a du champion du monde, hein, j'ai envie de te dire. Gilou, si tu nous entends, n'hésite pas, tu nous rappelles. Hein, je te présente Nelly, elle est là. Ah, il a déjà appelé. Bon, Nelly, t'es célibataire ou pas? Non. Bah, tu sais quoi, je suis sûr que ton mec, c'est une merde par rapport à Gilou. Ah ouais, à côté de Gilou, tu peux pas lutter. À côté de Gilou, il peut pas lutter. Je sais pas qui est ton mec, mais je suis sûr que c'est une sous-merde par rapport à Gilou. 14 cm, il bande comme un cerf. Et il bande comme un cerf, et 14 cm, et surtout, quelque chose que ton mec ne fait certainement pas. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Ah bah oui. Non mais il y a un moment où faut dire les choses. Faut dire choses. Ah bah il y a du niveau. Ah bah je te confirme. Romain, bonsoir Romain de Saint-Germain-en-Laye, comment ça va? Ouais, ça va. Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, alors qu'est-ce que t'as pensé de notre ami Gilou là? Bah il est pas mal, j'aime bien moi. Il est pas mal hein. Il est sympa franchement. Ah il est pas mal hein. Il y a Ludwig qui dit ah mon festoril là, terre à terre. Il y a Mon du 01 qui dit excellence Gilou là, j'ai trop mal au ventre à force de rire. Il y a Clem qui dit c'est tellement dégueulasse. Stéphanie qui dit putain mais Gilou va me faire vomir. Et Toff qui est imperturbable. Bah attention, il y a eu Toff au début, je suis arrivé à la fin hein. C'était Michaela à la fin. Ah oui, ouais, on était trop bien toi. Ah oui, magnifique. Oh là. Et là. Paul PC 28 qui dit quel porc quand même. Il y a Morgane qui dit putain je me tape v'là la barre de rire en écoutant Gilou. Il y a Mélanie qui dit oh my god, je suis explosé de rire. Le prince Nadia également. Michael, prends-en mais dans un verre pour ton café demain matin. Quelle générosité, oh. Ce Gilou. Ah oui, très gentil. Et Geek and Boobs qui dit on a trouvé pire que Toff. Oui, c'était pas gagné d'avance pourtant. Hein. Et enfin, Stéphanie encore. Gilou a une technique de drague plutôt spéciale. Oui, vous avez remarqué également. Hein. Vous avez totalement remarqué. Et Toffette, vous pouvez la voir hein, sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/emikaelofficiel. Bon, on va parler du nombre de fois que tu fais l'amour par semaine, Nelly. Pareil avec Romain d'ailleurs. Hein. Ouais. Bah voilà, on va donner le gagnant de la colle également. Laura qui est avec nous et qui va parler avec nous de tout et n'importe quoi, puisqu'elle est là comme ça, parce qu'elle n'a plus de radio et qu'il bah, faut bien écouter la radio. Hein. C'est ça. Bah voilà, vous voulez écouter un son particulier, les filles? Faut dire non, hein, y a pas de problème. Non, voilà. Je faisais poser la question. Moi, y a pas de malaise. Hein, moi, je suis là, une bonne âme. Je proposais. Vous ne voulez pas. Y a pas de souci. Bon, j'ai Ellie Goulding. Ellie Goulding ou Ellie Goulding. Plutôt Ellie Goulding. Ellie Goulding. Allez, puisque ça fait plaisir à tout le monde, tant mieux. Allez, minuit 41. Restez là, Nelly, Laura et Romain. On revient avec vous en direct dans un instant. C'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue. We don't have to worry about nothing. And we're gonna let it burn. Ellie Goulding sur Fun, c'était Burn. Bienvenue si vous venez de débarquer. 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 1h15 du mat, on est là sans pub sur Fun Radio avec Damien qui dit il y a moyen de me faire mon petit message de bienvenue, je vous écoute depuis peu. Donc voilà, vous déchirez, j'en pleure de rire tous les soirs. Bah écoute, c'est plutôt cool, alors un petit message de bienvenue avec plaisir. Allez vous faire enculer, ça vous en aura des couilles. Eh bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Il y a Yannick aussi qui dit vous assurez grave les poteaux, bisous, y'a vous. Lina également, coucou. Et non, mais je veux plus voir de Toffette. Mon mec est tombé sous le charme de ses yeux rouges, cougar. Oh oui. Ah, quelle horreur. Mais j'avais dit que ça ferait des ravages, cette photo. Quinoa qui dit elle est bonne quand même, sa blague là, il est trop fort, je suis plié, le coq. Ah oui, c'était par rapport à Gilou. Dites-nous d'ailleurs, hein, mettez sur avec le hashtag Emikaël ce soir sur le Twitter si vous voulez qu'on rappelle Gilou ce soir avant la fin de l'émission. Hashtag Emikaël sur le Twitter et ajoutez-moi également, vous tapez Emikaël _ officiel pour m'ajouter. Et si vous me suivrez, bah, je vous suivrai également avec plaisir. Mikaël _, c'est le petit tiré en bas, Mikaël _ officiel. Il y a Ophélie qui dit aussi sur le Twitter. Mickaël, tu peux faire une dédicace à mon chéri Julien qui vous écoute en ce moment, s'il te plaît. Dis-lui que je l'aime et je vous kiffe. Mais bien sûr, dédicace. Et en plus de ça, petit message de bienvenue. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Je ne connais même pas ta grand-mère. Il y a également un message de Soumaya qui dit à mort et un amour de la part de Soumaya. Ben voilà, un petit message de bienvenue aussi, hein, tant qu'à faire, hein, attends. Ben, une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. Bon, voilà, tout simplement. Il y a Yves aussi, c'est la première fois que je vous écoute aujourd'hui et c'est vous les meilleurs. Merci Yves, merci beaucoup. Merci. Et puis sois le bienvenu. Surtout, il y a Didou qui dit salut toute l'équipe, vous gérez un max, continuez comme ça, je vous kiffe. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Ben bien sûr. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà, et puis il y a Chris qui veut un coup de pelle pour lui. Hop là, voilà, les distributions sont faites. Là, il y a encore Alexou qui dit je veux aussi avoir un message de bienvenue, s'il vous plaît. avec plaisir. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, on a bien entendu a priori, on a plutôt bien compris même, effectivement. Bon, allez hop, on récupère Laura qui est toujours avec nous, évidemment. On va donner la réponse à la colle maintenant, attention, c'est parti. Nico, est-ce que t'es là? Ouais, toujours là. Parfait, on y va, réponse à la colle. Maintenant, on appelle quelqu'un qui a donné peut-être la bonne réponse. Et bah si celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, c'est lui ou elle qui gagne et tu perds. Si la mauvaise si c'est une mauvaise réponse ou qu'il ou elle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Nicolas, d'accord? Ok, ça marche. C'est parti, on y va, on appelle maintenant. Donc si vous êtes inscrit sur SMS ou sur le Facebook et qu'on vous appelle, c'est peut-être chez vous que ça sonne. Donc décrochez. Allô? Allô? Ouais. Ça va ou quoi, gros? Ouais, ça va. Tranquille ou quoi? Ouais, nickel. Comment tu t'appelles? Guillaume. Salut Guillaume, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. Bon, très bien, écoute. Tu dormais là? Non, non, je vous écoutais. Ah merde, putain, faut pas demander. Tu faisais quoi? Je vous écoutais, ça. Ah, t'étais écouté, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Bon, alors Guillaume, pour choper la Nintendo DS, la Nintendo 3DS XL, il y a Nico qui a une colle à te poser. Vas-y, Nico. Alors, quand je suis debout, eux sont couchés. Et quand je suis couché, eux sont debout. Que sont-ils? Qui sont-ils? Les pieds. Ouais. Et ouais. Eh ben voilà. Eh ben bravo Guillaume. La Nintendo, la console Nintendo 3DS XL, c'est pour toi. Et Nicolas, tu l'as bien profondément dans le fion, hein. Ah ouais, là ouais. Je l'ai pas passé par là. Ça fait du bien ou pas d'avoir une Nintendo 3DS XL dans le fion? Franchement, je l'ai pas senti passer. Non, bah t'as vu, hein, c'est sa nouveauté. Bon, bah écoute Guillaume, bravo à toi, tu repars avec la console. Et puis mais Nico, on va quand même te filer un pack fun, d'accord? Ok, ça marche. Salut, à bientôt. Allez, bonne soirée. Allez, ciao à vous. Et petite info également pour ceux qui se posent encore la question. Sur le Facebook, quand vous jouez, vous faites des likes ou vous répondez, on vous envoie un message privé. Voilà, donc faites attention, message privé pour vous demander votre numéro de téléphone. Donc si si vous avez envie de participer, faut bien faire attention à votre boîte. Donc un message privé, voilà. Si on vous demande votre numéro de téléphone, c'est qu'on veut vous appeler en fait, tout simplement. Donc allez-y, maniez-vous et merci également à tous ceux qui sont connectés sur le Twitter. Numéro 1 du top tweet ce soir. Oh là là, que vous êtes bons, comme d'habitude. Eh, on a niqué Eminem. Et ça c'est bon. Et on a niqué Nabila. On l'a ça déboîté. C'est encore meilleur. C'est voilà, pas qu'on lui a mis dans le cul, c'est au-delà. Bah Toff il aurait voulu vraiment hein, mais bon après ça c'est le détail. Attends, une bonne branlette espagnole avec une éjac faciale, je peux kiffer. Ah merci. Moi me dégoûte Toff. Nabila en fait. Merci. Ouais, mais c'est juste pour le plaisir de lui mettre plein la gueule. Merci Toff, ça ira bien. Bon attends, Polo, tu vas bien t'essuyer dans les cheveux, finalement. Ah non, même non, t'as même pas cet honneur. C'est manquer de respect à mon membre. N'importe quoi. Il y a Christophe qui dit j'avais pas entendu le Gilou depuis le début, mais là impossible de travailler tellement je suis plié. Bah attends. Dites-nous, hein, hashtag Mickaël sur Twitter, est-ce que vous voulez qu'on rappelle Gilou avant 2h? Il y a Lilou qui dit, je connaissais pas l'émission, mais je like, j'ai juste envie de vomir, je sais pas si c'est à force de rire ou à cause de Gilou. Bah, bienvenue Lilou, t'inquiète, c'est à cause de Gilou. Hein. Peux-tu rappeler le Gilou? Eh ben, peut-être avant 2h du mat, donc continuez, hashtag Mickaël. Il y a Yves qui dit, peux-tu passer du Skrillex au choix, s'il te plaît? Oui, je vais voir ce que j'ai en stock. Et Guillaume qui dit, je suis en route sur un dépannage, c'est la première fois que je vous écoute, vous gérez trop. Bah, merci, bienvenue en tout cas à tous les nouveaux qui viennent de débarquer. Rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Venez nombreux et nombreuses. Retour avec Nelly. T'es là, ma belle? Oui. Très bien. C'est mignon. Alors, quoi? Ma belle, c'est mignon. Bah écoute, elle avait des mensurations plutôt agréables. Ouais, mais oui. Voilà, donc je pense pas que je fasse un mauvais raccourci. Hein, non, non, mais je trouve ça. A priori, en tout cas. J'ai perdu quelqu'un. Oui, c'est une meuf, une bombasse, non? Qui est dans le standard. C'est Let's Be Freak. Je l'ai perdu. Non. On recherche activement Let's Be Freak. Elle est recherchée. Oui, recherche, let's be freak, ramène-la. Attention, avis important. Avis important. Avis. Bon, alors Nelly, tu fais l'amour combien de fois par semaine, toi? Rends-nous un peu jaloux, là. Plusieurs fois par jour, hein. Oh putain, on est bon là. Bon bah tu dois être blindé toi alors. Ça va. Bah, oui, parce que on s'est rendu compte dans une étude sur Facebook, sur Internet, que ceux qui faisaient l'amour plus de 4 fois par semaine étaient blindés. Enfin en tout cas avaient plus de chances d'être riches que les autres. Et donc du coup. Bah c'est pas prouvé alors. Ah pourquoi t'es pas blindé toi? Ah bah je suis pas blindé. Ouais, pas encore. Oui, c'est ça. Pas encore. Voilà, ça va venir. Nous là, on est à découvert carrément, tu vois. Ouais. Même au-delà du découvert. Hein. Ah oui. Il n'y a pas un qui baisse dans l'équipe. Non, c'est en gros, c'est ça, oui. Ah bah faut chercher ailleurs alors. Ah bah oui oui, bah c'est sûr, hein, il faut chercher ailleurs, mais bon, il y a un moment on fait avec ce qu'on a, hein. D'ailleurs, s'il y a des auditrices qui ont envie de nous aider à remonter la pente, à gagner un peu d'argent. Non non, je pense que les auditrices de Fun ont bon goût et c'est ça qui fait votre problème les mecs. Ouais, mais les auditeurs, je comprends pas. Ouais, mais les auditeurs, j'ai dit hier, les auditeurs de Fun sont moches. Non, parce que les auditrices sont super mignonnes, ouais, celles de Fun, mais les mecs Non, c'est pas vrai, j'ai reçu une photo que non. Si j'ai retweeté, il est pas mal, en fait, mais il a Brad Pitt, hein, on t'en Ah oui, c'est ça, ouais, on t'en fumait, ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, et du coup, t'es avec ton mec depuis combien de temps? Ça fait 3 mois. D'accord, mais c'est pour ça, c'est le début. C'est le début, c'est pour ça. Ouais. Ouais, mais voilà, mais t'inquiète pas, tu nous rappelleras dans 3 mois, on verra comment ça se passe. Hein. Oui, je comprends pas, je nique plus avec mon mec. Hein non mais après, franchement, tu vois, moi, ça dépend du partenaire aussi, hein, parce que je suis restée avec des gars pendant beaucoup plus longtemps et même sans forcément faire énormément l'amour au début. C'est vraiment une question de partage et de oui. Comment dire. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment de la complicité. Hein, c'est pour moi tout part de là. Hein. Oui, ah bah ça c'est une certitude, évidemment que tout part de là. Attends, on va demander aussi à Romain qui est avec nous là des Yvelines. Salut Romain. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Bon, bah parfait. Hein. Romain, toi aussi, tu fais l'amour combien de fois par semaine? Moi, par contre, c'est un autre problème parce qu'en fait, je t'explique l'histoire. En fait, j'ai pas vu ma virginité à 16 ans. En fait, Attends, est-ce que tu peux enlever le... Je sais pas si tu peux enlever le kit ma libre éventuellement ou pas. Non, je suis pas en kit ma libre. Hein? Non, non, il parle juste dans le téléphone. Okay. Ou alors, il faut que t'achètes peut-être des meubles. Eh. Attends, bouge pas, je m'enferme dans la douche, je vais voir si ça va marcher. Mais ouais, non. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui non, fait résonance. Que ça résonne un petit peu, c'est pour ça que je m'inquiétais par rapport à toi. C'est bon, tu m'entends mieux? Non, mais on fera avec. Bon, alors c'est pas grave, ouais. Donc du coup, c'est quoi ton problème, toi? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai fait ma première fois à 16 ans, donc là j'ai 21 ans, et j'ai fait ça avec ma demi-sœur. Ouais. Oh, ouais, avec ta... Et moi je dis ok, ouais, c'est par automatisme. Mais non, attends, mais non, comment ça ta demi-sœur? T'es dégueulasse, cochon, va. Mais je comprends pas. Non, je suis ni dégueulasse ni contre un gars, si. C'est magnifique, c'est pas le même son. Bah, c'était ma première fois et elle avait 2 ans de plus. Donc j'ai fait avec elle, mais par contre j'ai pas refait depuis, je sais pas pourquoi. Et ça... Mais c'est normal, mec, ça doit être automatisant. Je sais pas, il y a un blocage avec les filles, c'est un truc. Ah oui, mais c'est normal, tu t'es tapé ta sœur. C'est demi. Non, ouais, non, demi-sœur. Bah, attends, mais demi-sœur. Attends. Il y a demi-sœur, il y a sœur. Hein. Non, mais attendez, il y a demi-sœur, il y a deux demi-sœurs. Il y a la demi-sœur qui peut être la fille de ta mère ou de ton père. Ouais. Voilà, avec un autre mec ou une autre meuf. Et il y a la demi-sœur qui peut être la fille de ton beau-père ou de ta belle-mère, mais avec qui tu n'as aucun lien de sang. Donc à la limite, ça c'est moins grave. J'en ai rien de temps. Par contre, si tu veux, ma sœur est dégueulasse, mais ma demi-sœur est trop bonne. Non, mais sors d'où, ta demi-sœur? C'est la fille de qui? C'est la fille de mon beau-père. Ah, d'accord. Donc bah là c'est bon, on s'en branle, là, c'est pas très grave. Ouais, mais évite quand même, quoi. Non, mais évite, non, mais y a pas de problème. Non, j'ai pu refaire, on évite d'en parler parce que c'est un peu. Oui, c'est mieux, oui, bah oui, c'est un peu mieux, oui, c'est un peu mieux. Sale porc. Y a Valentin qui dit aussi une femme sans poitrine, c'est comme Alice sans oreiller. Bah merci, Valentin, mais je ne vois pas le rapport. Moi j'aime bien cette phrase. Ouais, c'est ça, ouais. Et dit Jérôme, ce qui dit je recherche quelqu'un. Attends, c'est quoi? Quel cul, quelqu'un? J'ai aimé le dérapage de Polo. Ah, t'as dit ça toi, Jérôme? Je recherche quel cul, quelqu'un. Ouais, ah, c'est possible. Il dit tellement de conneries en même temps. Bon, et donc du coup, toi tu nous appelles pourquoi? Mais c'est pas par rapport à ça. Bah non, mais moi je suis l'inverse. C'est pour ça que je. Ah, toi t'es complètement pauvre en fait, c'est ça? Ah ouais, non, mais là je suis dans la merde. Hein, ah ouais, t'es en chien quoi. T'es un peu comme nous en fait. Bah, je suis pas un chien, je crois que j'essaie un peu je vais m'abstenir sexuellement si ça continue comme ça, parce que... Bah, t'as pas le choix, en fait, c'est pour ça. Bah, si tu veux m'aider, ça serait cool, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Bon, bah si jamais vous connaissez, si jamais vous êtes une meuf qui est également en chien et que vous voulez éventuellement choper Romain qui est dans les Yvelines, sachant qu'il a déjà niqué sa demi-sœur, n'hésitez pas, j'étais bien vendu là, n'hésitez pas, appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0 tout simplement. Bon, bah Romain, écoute, on te tient au courant, bah tu peux rester un petit peu avec nous si tu veux. Nelly, tu restes encore un peu avec nous aussi? Oui. Bon, bah parfait. Tu as une dédicace ou pas? Eh ben non. D'accord. Si, vas-y, il y a une personne, allez, vas-y. Bah alors, dédicace à Sebounet, dédicace à Dimitri. Alors, une personne, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une personne, Romain? Ah, une personne, bah dédicace à Sebounet, casque rayé, le gland endommagé, on l'appelle. Ah, le gland endommagé, très bien, c'est un très bon nom ça, effectivement. Pour le garder pour toi, tiens, le gland endommagé. Oui. Non, mais en fait, c'est qui s'est fait régler par une chinoise qui avait perdu son piercing, en fait. Oh, putain. Et il a une rayure sur le gland. Non, ça ira, je ne veux pas en savoir plus. Oups. Non, ça ira. Donc en fait, c'est une meuf qui avait un piercing sur la langue, qui l'a sucé, le piercing a merdé, du coup ça a Ça fait une... Et voilà. Oh là là. Ça a tout cassé. Putain, j'en ai mal au gland. Ah ouais, moi aussi, hein. Non, mais c'est un truc de dingue. Bon, ben, Romain, merci pour cette petite anecdote très sympathique. Laura ? Oui ? Tu fais l'amour combien de fois par semaine, toi ? Bah, ça dépend, moi je suis plus gourmande que lui. Ah bah vas-y, bah, si toujours. T'en restes un peu, je suis disponible. Oh ta gueule, Tof, t'es bon fait, t'es mauvais. Oh. Moi aussi, je suis disponible, hein. Ouais, bah restez calme. J'étais le premier sur avec Laura. Bon, Laura. Bon, combien de fois par semaine ? Bah, une à deux fois. Bon, c'est pas mal, c'est ouais. Bien ça, c'est honnête. Hein? Ouais, bien. Oui, c'est honnête. Bon, les filles, les mecs, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0. Combien de fois est-ce que vous faites l'amour par semaine pour savoir si vous allez être riche ou pauvre? Je propose qu'on appelle encore quelqu'un du coup, hein, tant qu'on Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. Vous restez avec nous, Romain, Nelly, Laura. Oui. Très bien. Je peux prendre en ligne ou pas? Bah, t'es déjà en ligne, Romain. Hors ligne, ouais, attends, je te passe Sandro, hop là, ça y est, c'est parti, tu vas pouvoir lui parler, t'inquiète. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle encore quelqu'un, merci à vous hein, pour les numéros que vous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, de gens encore debout à cette heure-ci. On remet une petite giclée. Allez. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Vous savez quelle heure il est, monsieur, c'est pourquoi ? Ben, en fait, je voulais savoir si vous étiez content de votre salaire. Écoutez, monsieur, vous me faites chier le coucher, vous me faites lever. Maintenant, vous me laissez votre numéro et oui. je vais téléphoner où il faut. D'accord. Alors, donc, c'est le 01... 01... 40... 40... 48... Voilà. 50... Voilà, et je vais le donner à la police, hein. D'accord, mais vous prenez pas tous les chiffres ? Bon, j'en ai assez. Ah, d'accord. C'est pas la première fois que vous m'appelez. Ah bon, d'accord. Très bien, monsieur. Donc, vous aurez certainement des nouvelles de la police. D'accord, monsieur. Ben, je vous remercie, monsieur. Ah, bon, ben, s'il en a assez. En plus, t'as donné le mauvais numéro, t'as dit 0 à 40. Ouais, c'est 42. Oui, ben, on s'en fout. Oui, façon, non, ben, dans l'absolu, on s'en fout, effectivement. De toute façon, il a pas pris tous les chiffres, donc... Oui, c'est pas faux. Bon, on en appellera d'autres dans quelques minutes sur Fun Radio, là. Restez bien avec nous. On va s'écouter le son d'Avicii, maintenant. C'est Hey Brother. Merci encore hein, pour le top tweet numéro 1 du top tweet. Oh, là, on est bien, on est bien. Ah, ben, on est plutôt pas mal, là. Grâce à vous, comme d'habitude, là, de plus en plus nombreux à débarquer sur Fun Radio le soir. Car oui, vous vous êtes rendu compte qu'il y a enfin un truc bien à écouter le soir à la radio, enfin la nuit même à la radio. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Avicii, on écoute ça maintenant. C'est Hey Brother. Il est l'heure du mat et c'est la nuit sans pub. Hey Brother. Allez vous faire enculer. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Nos limites. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Et il est 1h du match, juste le temps de faire un tour du côté du Top Twittos. Ouais, vous le savez, le Top Twittos, c'est l'élection du meilleur auditeur de la soirée, le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et donc, on va vérifier maintenant le top 5 à 1h du mat, puisque ça va encore changer d'ici 2h normalement. Alors, en numéro 5, si ça devait s'arrêter maintenant, comment ça se passerait ? Eh bien, ça serait Rugalex qui est numéro 5. Numéro 4. Le Prince Nadia. Numéro 3. Paul PC 28. Numéro 2. Morgan 88S. Et enfin numéro 1. Let's. Ah non. Franier Jones. Ah c'est nouveau ça. Oui, c'est un. Arrivé directement premier. Ah bah nickel, bon. Bah écoute, bienvenue en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent de débarquer. Il y a SFJ qui dit, si tu n'écoutes pas Fun Radio de 23h à 2h, tu es pitoyable mais pas digne de pitié, c'est vrai. Pitoyable mais pas digne de pitié. Exactement, il y a Renaud qui dit, moi depuis que je fais l'amour 7 fois par semaine, je suis au RSA. Bah comme quoi ça ne prouve rien. Bon, pour le top tweetos, bah vous balancez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël tout simplement. Et puis tout à l'heure, on vérifiera à 2h du mat quel est l'auditeur qui est numéro 1 tout simplement. Celui qui a posté le plus de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis continuez à nous dire aussi si vous voulez qu'on rappelle notre ami Gilou avant 2h du mat, hashtag Mickaël sur Twitter, balancez un max de messages et on les lira bien sûr comme Andreas qui dit baiser sa demi-sœur, c'est dégueulasse. Ouais. Ça fait partie de la famille. Il y a Christophe qui dit s'il te plaît, appelle Gilou. Guillaume également qui dit trop bien votre émission, mais merci Guillaume. Il y a Jo aussi, les gens vous gérez, mais depuis juillet que je vous écoute, j'ai toujours pas eu mon message d'accueil. Comment ça ? Allez vous faire foutre ! Bah voilà Jo. Il y a Pierre qui dit Gilou le petit porc, il m'a fait tomber de mon lit. Et Théo qui dit Mickaël tu déchires. Merci Théo. Et Tom également, comme tu dis Mickaël, une belle équipe de psychopathes. Oui, hey. Ça c'est une certitude également. Bon, allez, tous vos messages également, n'hésitez pas. Il y a Cathy aussi là qui est avec nous là. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, ça va. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi ? Alors moi je téléphone pour dire que je fais 7 fois l'amour par semaine. Parfait Cathy, alors ne bouge pas de là, nous allons en parler dans quelques minutes. Oui, on va en parler dans quelques minutes. En attendant, on va d'abord récupérer notre ami Romain. Romain. Ouais. Ah très bien, ouais. Romain qui est avec nous là, toujours de Saint-Germain-en-Laye, qui nous a dit que c'était tapé sa demi-sœur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, demi-sœur mais qui a pas de sang. Pas de lien de... Non mais pas de lien de sang. Non mais d'accord, mais enfin il faut que ça se précise quand même. Vous êtes donc... pitoyable mais pas digne de pitié. Exactement. Pitoyable mais pas digne de pitié. Bon alors Romain, et comment elle s'appelait ta demi-sœur? Laura. Ah bah ça tombe bien, on l'a avec nous, tiens. Salut Laura. Non c'est pas moi non. Non pas toi Laura, une autre Laura. Salut l'autre Laura. Romain. Ouais. Allô. Ouais. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est pas vrai? Mais tu te rappelles pas de l'anniversaire de Didier pour tes 18 ans? T'étais tellement bourré que tu te rappelles pas de la deuxième fois? La deuxième fois? Non, c'était pas sérieux. Mais t'es vraiment qu'un enculé. Et t'appelles ça pour... T'appelles la radio pour dire ça? Mais déjà, imagine, il écoute. Mais vas-y ta gueule, mais d'où t'écoutes Fun Radio déjà? Mais d'où tu... Bah, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission. Ouais, bah il paraît, ouais. Mais attends, parce que Tof de d'abord fait, parce qu'elle nous a dit qu'elle était super bonne. On alors Laura, checker. Permets-moi de savoir combien mesures-tu? 1m60. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Mais ça vous regarde pas? Si, bah, ça si. Regarde. Ne nous oblige pas de demander à Romain, parce qu'il pourrait dire de la merde. Ouais. 85B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? Oui. 36. Bonne. L'autre il est au taquet. C'est ça, il est excité. Bonne. Hyperactif. Complètement vrai. Qui est hyperactif? Personne n'était hyperactif, je suis pas hyperactif. Ben non, mais je veux dire à Laura que moi je suis pas son demi-frère, donc y a pas de soucis, hein. Saint-Germain-en-Laye, c'est pas loin. Ouais, mais bon, t'as vu ta tronche? Ouais, mais ça, dans le noir, de toute façon, on le verra rien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Laura, mais pourquoi tu tapais ton demi-frère? Mais c'est venu comme ça, ça paraissait évident sur le coup, mais jamais j'aurais... Mais Romain, t'es con, pourquoi il a appelé la radio? Ben comme ça, pour faire partager un petit peu, c'est bien, il a bien fait. C'est un peu... Moi je pensais que t'écoutais pas Laura, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais si, parce que tu sais, c'est, ça a beau être ta demi-sœur, elle peut avoir bon goût, hein. C'est vraiment qu'un bon goût. Oui, ça je suis d'accord. Ta gueule, salope, putain. Garde, tu lui disais pas ça hein, quand t'étais en train de la... Enfin, si, peut-être que tu lui disais ça, finalement. Imagine quand on va aller chez mamie, comment... Mais comment je pourrais te parler? Comment je pourrais te voir alors que t'as appelé la radio et tout? Par contre, Laura... Personne ne vous connaît, hein. Laura, je te calme direct. Mamie, je pense pas qu'elle écoute la radio à sortie, tu vois. Mais après, si vous voulez, on peut l'appeler pour lui dire. Allez, on l'appelle mamie. On peut appeler mamie, si vous voulez, hein. Non, ça va aller. Allez, non, on l'appelle, quoi. Allez, soyez rock'n'roll, les mecs, là. Vous le camille. Hein? Soyez rock'n'roll. Mais non, mais pas rock'n'roll. Ouais. Vous voulez pas appeler Fédaron et on... Mais dis, Laura, t'es sérieux, tu fais vraiment chier. Ouais, ou alors on appelle Gilou. Je te sucerais le sang et tout, tu verras. Oh non, pas le porc, vas-y. Tu aimes le sperme? Non, mais simplement qu'on avait dit qu'on n'en reparlerait pas et c'était... Voilà, et puis voilà. C'est pas grave, c'est entre nous. Mais voilà, c'est ça, c'est entre nous, hein. Y'a personne qui écoute. Mais c'est pas ça, mais Laura, la question que je me pose, c'est d'où il y a une deuxième fois? Parce que certes, une histoire, j'étais bourré, mais je me rappelle pas faire ça avec toi. Hé Laura! Ouais. Oh, écoute. Oh, ça. C'est Gilou, hein, notre ami Gilou, bien entendu, bienvenue Gilou. Bon, bah du coup, bah, le mal est fait, Laura, là. De toute façon, y'a plus rien à faire, hein. Oui. Moi j'ai fait du bien perso, je pense, mais... Ouais, ben moi je propose que vous recouchiez ensemble une fois pour assainir le truc. Oh, cauchemar. Ah non, c'est mort. Bah tu nous as dit qu'elle était bonne, plus bonne que ta sœur. Ouais, mais là je pense que ça va pas le faire, là je vais pas réussir à monter. Oh genre, oh là là, l'autre comment il se la ramène. Bon ben écoute, non, Laura, si tu veux, il y a toujours Tof, hein. Bon, ouais, c'est la troisième gamme, hein, mais bon... Ouais, mais je suis disponible tout de suite. Non, tu sais, c'est comme bon, dans les concessions... Et Laura, ouais. De toute façon, on se voit la toute prochaine chez Mamie. Bah oui, chez Mémé. Ah bah oui, ça va être bien, vous allez avoir un bon sujet de conversation à table. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je vous ai entendu à la radio. Je vais plus te voir. Mais bah, ça va être dur dans les réunions de famille. Bah, j'en bats les couilles, Laura, je sais où t'habites, j'en bats les couilles. Hein, je viens de voir, voilà. Et donc, Voilà. En toute simplicité, je pense que tout est dit, voilà. Bon ben, amusez-vous bien, les deux, hein. Ouais, c'est fait. On va vous laisser hors antenne éventuellement. Ok. Allez. Voilà, ça me paraît. Ah, Laura. Oui. Bah maintenant que t'es toute seule, tu veux pas un sextoy? Non, ça va aller. C'est moi pour sextoy. C'est mais non, tu t'en veux plus toi, Romain, à ton cinéma. Non mais c'est une série de secours au cas où ça. Oui. Bah je vais t'en filer un, tu pourras te le mettre dans le film si tu veux, Romain. Moi je veux bien l'autre Laura là, elle est bien, elle paraît. Oui, j'imagine, oui, bah très bien. Ouais, mais elle a un mec, je crois. Attends, oui, voilà, Romain, en plus. Ah, mais je suis pas jaloux, hein, t'inquiète pas. En plus, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Tu me fais des signes là, qu'est-ce que tu veux? Ah, non, c'est Franck qui voulait réagir. Salut Franck. Romain, t'as l'air chaud. Ah, ouais. Franck. Allô, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Bon, moi, je voulais proposer une chose à Romain en fait. Ah, vas-y, on t'écoute, sois le bienvenu. Écoute, moi je voulais proposer parce que je le sens un petit peu déçu au niveau des femmes. Moi je suis bisexuel et je suis plutôt en phase homme en ce moment. Non mais t'es sérieux? Mais vas-y, mais va te faire foutre ta vie, espèce de caractère. Mais quoi? Romain, mais c'est vraiment un garage à vie, Franck, c'est vrai, mais vas-y. Romain, mon gars, c'est pas bizarre, c'est ici, hein. Romain, une fois que t'es dedans, plus dur est fait, hein. Romain, ça se fait pas. Il est bi. En plus, il est bi, effectivement. Bon, ben Franck, malheureusement, toi, fais peut-être intéressé, lui, en revanche. Par Franck? Ah bon? Bah ça dépend, si je peux faire un package avec Laura, moi c'est au top. Hein. Fais un chiffre des lettres pour... Bien sûr, alors écoute, Franck, combien mesures-tu? Alors moi je fais 1m83. D'accord, combien pèses-tu? 73. Quelle est la taille de ton membre? Alors au repos 13 cm, en érection 21. Ah oui quand même. Ah oui, ouais. Tu es sagement coulé. Ah c'est un smirmorque. Moi je vais te dire, quand je suis en érection dans le métro, les portes elles se ferment pas. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et t'es aussi pompier volontaire, non? Exactement. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Et la taille des derniers pantalons que tu as acheté, Franck? Ça devait être un taille américaine, en taille française ça fait 40. Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est con, ouais. Oh la chèvre. De quoi j'ai pas compris? Michael, moi j'avais une chose pour Romain, j'ai une petite chose, j'aime bien quand les hommes se rasent l'anus avant que je les pénètre. Non, moi, perso, je suis pas l'anus là, j'ai la base de poils, ça marchera pas. Y'a rien qui rentre dans mon cul, je crois. Moi je peux le raser avant et d'accord, voilà. Eh ben écoute Franck, pas de problème, hein, on va filer ton numéro à Romain, il va te rappeler après. Ouais. Vous allez voir, c'est normal, ça marche. Bah, en plus Romain il est d'accord, donc c'est parfait. Bah écoute, on fait comme ça Franck, pas de soucis. Merci beaucoup Franck, hein. Allez, on va t'envoyer. Attends, on va t'envoyer Dexter, notre stagiaire aussi est intéressé, là, il va arriver en autolib après l'émission. Si. On t'a pas demandé quand la vie. Pas de problème. Bon bah salut Franck, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao à toi. Et Laura, gros bisous, hein. Ouais, bisous. Salut Laura, à bientôt. Et Romain, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va mettre tout le matériel que tu vas être préparé, comme dirait notre ami. Mika, juste savoir un truc. Ouais. Juste avant de quitter, est-ce que tu crois qu'il y a moyen d'avoir un petit cadeau, un pack fun, un truc comme mais ça? Mais bien sûr, on va te préparer en anal, ça va être notre cadeau. Comme tu notre ami Roku. Tu vas être préparé, après voilà. Tu sortiras pas du tout Franck rentré. Petit rasoir et tout, tu vas être au top. Bon, non, on va te filer un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro, Romain. Ça marche. Salut, à bientôt, ciao à toi. Allez, bye. Laura et Nelly dans quelques minutes. Cathy qu'on va récupérer également. Et puis on va se faire encore un petit appel maintenant. Là, attention. Toujours. Et on aura le chéri, je peux te faire cocu également qu'on avait fait hier, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Il était juste magistral. Ouais, violent hier. On va vous le remettre dans moins de 10 minutes. Et puis on va se faire un petit appel maintenant. Je rappelle que depuis le début de l'émission, on se pose cette question que nous avons vue sur internet. Apparemment, quand on fait l'amour plus de 4 fois par semaine, on est censé être blindé. Voilà, on peut être beaucoup plus riche que les autres. Donc je voulais savoir, vous, les filles, les garçons, combien de fois par semaine vous faites l'amour? Appelez-nous, 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et donc, depuis le début de l'émission, on appelle des numéros que vous nous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et donc, on appelle des gens au hasard pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce que chez eux aussi, ils font plus souvent l'amour plus de 4 fois par semaine, moins de 4 fois par semaine? Donc, on appelle. Allez, c'est parti, on y va, on récupère. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez content du salaire de votre mari. Ben, ça va pas la tête. Bah oui, ça va, et vous? Ben non, ça va pas, allez. Elle aurait pu répondre quand même. Ah oui? Bon, on la rappelle. Donc je recommence, c'est reparti. Je ne sais plus ce que je disais quand j'ai été coupé. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, excusez-moi, mais je vous avez pas répondu à ma question. Mais je n'avais pas besoin de le savoir. Bah si, parce qu'en fait, il semblerait que ce soit peut-être de votre faute s'il gagne pas bien sa vie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes malade de la tête, non? Mais pas du tout. En fait, il semblerait que si vous lui faites pas l'amour plus de 4 fois par semaine, il va gagner moins bien sa vie. N'importe quoi, vous dites. Mais non, pas du... D'où vous sortez, vous? Ben, c'est une étude très sérieuse anglaise, madame. Bon, ben, moi, ça ne me... je vais pas répondre à votre question et ne me rappelez plus. D'accord, mais est-ce que vous allez plus faire l'amour à votre mari, du coup? Comment? Est-ce que vous allez plus faire l'amour à votre mari? Mais ça vous regarde pas? Ben non, mais enfin, bon, il faut bien que vous fassiez un effort. Allez, hop, ciao. Elle a pas été vulgaire non plus, encore une fois, hein. Plutôt sympathique, plutôt cordiale. Oui, bon, non, ça va. On n'en saura pas plus, c'est pas grave. Il y a le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes, donc restez bien là. Retour avec Nelly, retour avec Laura qui est toujours dans le standard depuis le début de l'émission. Cathy également de Brest. Et puis bah, le son maintenant de Jessica Sanchez qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. Continuez, hashtag et Mickaël sur le Twitter. Est-ce que vous voulez qu'on appelle encore un coup Gilou avant 2h du mat? Pour ceux qui ne connaissent pas notre ami Gilou, c'est lui. Ah, ça va être génial. La Marelle. It seems like every day is something else. Jessica Sanchez à l'instant sur Fun Radio, c'était Tonight. Bienvenue tout le monde, il est 1h20, là on est au cœur de la nuit sans pub. Bienvenue à tous les nouveaux qui débarquent. Il y a Samir qui dit Mickaël, merci, grâce à vous je comprends pourquoi je suis pauvre. Ludwig qui dit waouh, il y a du size ce gars là. Attends, c'est quoi Mickaël, qu'est-ce qu'il est bon? Ah oui, bah oui, on avait fait la version pour les mecs, c'est tellement rare. Il y a Morgan88S qui dit oh non, Vlatov qui fait les mensurations des hommes maintenant, c'est intéressant ça, tiens. Et alors Andreas qui dit il est fou lui, il insulte sa demi-sœur alors qu'il la baise. Mec, t'es un bolos, c'est un cassos. Voilà, au moins le message est passé. Et Ludivine, un petit coucou du taf, j'aime trop vous écouter, bisous à tous. Bah merci Ludivine, on aime beaucoup que tu nous écoutes également. Et Dylan également, vous êtes juste les meilleurs. Merci beaucoup Dylan et Baptiste, j'ai une journée de merde, pas de soucis, c'est Mickaël pour remonter le moral. Bah ouais, on est là jusqu'à 2h du matin tous les soirs, 23h, 2h du matin sur Fun Radio du lundi au jeudi et le dimanche de 20h à minuit. Retour avec Alex, avec Nelly, avec Johan, avec Laura, avec Cathy, avec Lolita qui est là également là. Bonsoir Lolita. Bonsoir. Comment ça va? Bien et toi? Bah oui, ça va plutôt bien Lolita. Toi tu voulais parler du nombre de fois où tu fais l'amour par semaine, c'est ça? Voilà. Bon, alors tu ne bouges pas là, donc tu es avec un mec j'imagine. Oui, voilà. Très bien, bon, tu nous racontes ça dans quelques minutes. Cathy qui voulait également nous raconter ça, c'était à Brest. Toujours là, Cathy? Oui, toujours là. Très bien, vous avez écouté l'émission hier ou pas? Non, parce que je travaille dans un bar jusqu'à 1h du matin. Ah bah d'accord. Donc là, je vous écoute à chaque fois quand je rentre. Eh ben très bien, écoute Cathy, et toi Lolita, t'as écouté ou pas hier? Pas hier, non, parce que là, je bosse pas. Mais quand je bosse, en fait, c'est sur l'horaire où je rentre, donc... Eh ben bravo Lolita, voilà. Bravo. Hein? Félicitations. Bah ouais, c'est bravo. Cool. Non, non, mais c'est j'ai bien. J'ai pas eu message de bienvenue. T'as pas eu de message de bienvenue? Ah bah c'est nul non. Ça. Bah comment ça se fait? Bah je sais pas, je suis déçue. Bon t'en veux un quoi? T'en veux un comment? Attends j'en ai un pour toi tiens, écoute. Va te faire enculer salope. Ah c'était cool, ça vaut pas le corps mais c'est mignon quand même. Ah t'as vu c'est mignon hein. Ouais. Ah, voilà. Bon, Lolita et Cathy et tous les autres, vous avez certainement raté hier le chéri, je peux te faire cocu qui était magnifique, magistral. C'était avec Séverine. Ouais, exactement, c'était avec Séverine. Le principe est simple, donc on appelle Bon, imaginons qu'on fasse le jeu avec toi, Lolita, par exemple. Donc on appellerait ton mec pour lui faire croire que je t'ai dragué et que je t'ai proposé de coucher avec moi juste un soir. Le but, évidemment, étant qu'on lui demande son autorisation. Bon, ça arrive rarement que. Bah, ce n'est jamais arrivé que le gars dise oui. Donc on a fait ça justement hier soir avec Séverine et on vous le remet maintenant. Alors écoutez, je prends vos avis juste après. Voilà. Allô? Allô, c'est moi. Ouais, ça va? Pourquoi ouais, ça va, ouais. Pourquoi tu m'appelles en masqué? Ça va, je te dérange pas, j'étais parti faire ta partie de jeu. Ouais, mais je suis pas cherché plus dur, tout le monde. Ah, ouais. Okay. Ben, je t'appelle parce que j'avais quelque chose à te dire, quoi. Je vais y aller direct, quoi, parce que bon, ben, voilà. Je voulais te dire, j'ai rencontré un homme, Michel. De quoi? Je voulais te dire que j'ai rencontré un... Bon, arrête, t'es connu, t'as rien mieux à faire, ouais, allez, arrête là. Et Ah, oh, quelle violence! Il a déjà raccroché, dis donc. T'as rien d'autre à faire, t'as rien à faire. Bon, on le rappelle. Bah, dis donc, ça va être expéditif. Hein. Ça va être expéditif. Ouais, on y va. Allez, c'est reparti. On le rappelle. Dis donc, alors, je vais le démonter, lui. Tu vas voir. Allez. Ouais, c'est moi. T'as raccroché.

un mec hyper sympa. Bah oui, Geek and Boobs aussi qui dit oh qu'il est bête, oh qu'il est bête, oh qu'il est bête. J'adore quand tu fais ça. Alexou qui dit je vais te faire sucer mon poing là. Oh là là, mort de rire, ouais. J'avoue, il y a Alexou qui dit une grosse barre. Quentin qui dit suce mon doigt et Cara qui dit le rire machiavélique de Mickaël, j'adore. Et Momo également qui dit moi aussi je veux un message de bienvenue. Oula, je suis en train d'étouffer là. Un message de bienvenue, bah avec plaisir. Allez vous faire foutre. Voilà, et encore un petit, c'est pour moi qui régale là. Je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Bah voilà. Et alors attention, il y a Juan qui dit aussi Mickaël numéro 1 dans mon calvar. Non, ça ira, c'est gentil, mais ça ira. Et Damien qui dit trop bien les vannes que tu lances à Gaylord, mort de rire. Et oh, tu te rends pas compte de la chance que t'as, cette phrase est terrible, j'adore, je la fais souvent en plus. Et oh, faites attention parce qu'il y a des droits à payer hein, quand vous utilisez la phrase là. Alors faites gaffe, ou je vous envoie Michel, mais vous allez voir, ça va pas traîner. Bon, allez, on s'écoute le son de Basto maintenant sur Fun Radio. Promis, juste après, retour avec Cathy, Lolita, Laura également. Il y a Johan, Nelly, bref, plein de monde encore à 1h34 du mat. Là. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Et oui, rassurez-vous, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. 23h, 2h, on est en direct sur Fun Radio tous les soirs sur Fun. Et puis, ben, le dimanche de 20h à minuit, faites passer le message. On est plus de 250 000 sur Facebook. Comme quoi, vous faites bien passer le message. Merci beaucoup. Dance With Me, c'est Basto qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. Eh ben ce soir j'ai hâte que l'émission se termine. Oui. Pourquoi ? Parce que je dois pisser. Mais tu veux qu'on t'apporte une bouteille ? Non, bah, j'ai pas pissé dans une bouteille. Tu pisses dans mes mains, je donne à Sandro, Sandro donne au Atof et le stagiaire va ramener la pisse dans les chiottes. Pitoyable mais pas digne de pitié. Non. C'est dingue. C'est pas une bonne idée. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Ah non, j'ai pas pissé dans tes mains. Il est con, il me regarde là. C'est pas une bonne idée, mais je comprends pas. Il me regarde pendant le jingle, c'est genre, il est surpris. Évidemment que c'est pas une bonne idée qu'il est bah, con. C'est oui. Génial, non. Ouais, c'est ça. Il bon, y a Jordan qui dit mort de rire, j'ai raté ça aussi, mais putain, qu'est-ce que je suis bête. Comment j'ai fait pour rater Gilou et ça, sans déconner. Bah alors, Gilou, tu l'as raté hier, mais c'est pas grave, on l'a remis tout à l'heure. Et puis, bah, on va surtout le rappeler dans quelques minutes. Et il y a Mademoiselle Sarah qui dit bonne nuit à toute l'équipe. Aux auditeurs, bon courage, je vous fais des bisous. Bah alors pourquoi tu te barres déjà là? Ça se fait pas. Bah ouais, pas à 20 minutes de la fin. Mais oui, oh putain, c'est dingue. Et dit Jérôme ce qui dit, vous savez où j'ai appris l'anglais la team? Sur YouPorn. I'm not perverse pourtant. Oui oui bah c'est sûr. Bah non, oh là là. Pas, certainement pas, certainement pas. Bon avant de récupérer notre ami Gilou, il y a Lolita qui est avec nous, la Lolita de l'Indre. Salut Lolita. Oui c'est ça. Salut. Ça va bien Lolita? Bah bien. Bon bah très bien. Attends nickel. Parce que Tof s'excite là. Mais combien mesures-tu Lolita? 1m54. Combien pèses-tu Lolita? 50. Quel est ton tour de poitrine? 85D. D comme Denise? Oui c'est ça. Ah oui c'est dément. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Oh qu'elle est mauvaise ça. Qu'elle est mauvaise. Oui c'est ça oui. T'es en train de discuter avec avec des hommes. Avec Dexter. Oh, non, bon, c'est Gilou. Lolita, eh bien sois la bienvenue. Bah merci. Alors combien de fois tu fais l'amour par semaine? Fous-nous la rage. Au moins une quinzaine. Non. Ta main se fait bourrer hein. Hop, tof. Oui. Ça suffit. Pardon. Ça m'a échappé. 15 fois? Mais tu fais ça où 15 fois? Bah chez nous, en général. Non mais 15 fois, mais 15 t'as vécu fois semaine. Ouais, t'as vécu depuis combien de temps? 4 mois. Ah oui, mais ça a pas duré. Oui, c'est le début. Ah oui, ah, oui. Là je te calme tout de suite. Enfin, même mec, pour un début, le 15 fois semaine. Non, 15 fois semaine, ça fait quand même 2 fois jour, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, et puis il y a un jour bonus. Il ouais, y a un jour, voilà, là, le week-end, c'est la fête. Quoi. Bah ouais, c'est ça, il y a un jour bonus, ouais. Non mais, oui, mais 15 fois par semaine. Bah oui. Mais tu fais quoi pour que le mec il a envie 15 fois par semaine? Parce que tu, non, mais... c'est pas possible d'avoir... Ça fait 2 fois par jour. Bah, c'est peut-être liqué Patnav aussi. De quoi? C'est peut-être liqué Patnav aussi. Oui, après c'est peut-être lui aussi qui effectivement chaud comme la braise. Oui, ça c'est une possibilité, bien entendu, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai, t'as raison. Donc 15 fois, bon alors très bien. Et toi Cathy? Moi c'est 7 fois par semaine. C'est pas mal, ça fait quand même une bonne moyenne d'une fois par jour. Hein. Ouais mais il faut savoir c'est que Cathy a le double de l'âge de mais Lolita. Effectivement Cathy a le double de l'âge. Alors Cathy, comment ça se fait que ça cartonne encore à cet âge-là? Beaucoup d'échanges, c'est pour ça. Ah tu es ouverte. Voilà. On est très ouverte. D'accord, combien mesures-tu Cathy? 1m72. Combien pèses-tu, Cathy? 65. Ah, c'est pas mal. Quel est ton tour de poitrine? 85C. Ah ouais. C'est les tiens? Ou t'en as remis un peu? Non, c'est les miens. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 38. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Il paraît. Nous avons une bonne mille faux standards. Ah oui, là pour le coup, effectivement. Oui. Bon, alors cette fois, mais avec qui alors, dis-moi, Cathy? Alors, en fait, je suis inscrite sur un site de rencontre. Oh putain, mais je vais te bourrer, moi. Oh pardon, Polo. Non, mais Polo, ça va, quoi. Non, ça c'est Polo, je ne peux pas. Ouais. Bon, donc t'es inscrit sur un site de rencontre. Ouais. Et alors, t'en récoltes un par jour, un nouveau. Voilà. D'accord. C'est quel site? Parce que moi, je vais aller m'inscrire, hein, ça a l'air pas mal. T'es con, c'est Sex en Bretagne. Ah oui, Sex en Bretagne. Ouais, c'est en fait les mecs ils démontent un truc pour les écotaxes et après ils la démontent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est Sex en Bretagne. Il y a Anna sur Twitter qui dit aussi une quinzaine de fois: oh la coquine, elle prend cher. Oui, effectivement. Oui, Ah ouais, non, c'est pas mal, hein, 15 fois quand même. Ah ouais, l'audita, 15 fois, c'est pas mal. Hein. Mais moi, je veux savoir où tu fais ça, parce que 15 fois, au bout d'un moment, ça devient... Bah tu veux quand même pas toujours du missionnaire dans le lit, quand même. Bah non, faut varier. Oui, non, mais j'ai compris, mais enfin, il y a un moment, non? Non, parce que même, enfin, deux fois jour, je veux dire... Oh, ça se trouve, hein. Il y a bien un moment où vous devez faire ça n'importe où, quoi. Moi, je viens d'acheter une maison, donc faut tester toutes les pièces. Ah oui, d'accord. Ouais, non, mais d'accord, d'accord. C'est dingue, ça. Oui, excuse-nous, on est aigris ici. Hein. Non, on n'est pas aigris. On est surpris. Ce qui n'est pas du tout la même chose. N'est-ce pas, Nelly? Même toi qui apparemment. Est-ce que vous passez son numéro? Non, mais on veut bien croire, hein, Lolita, t'inquiète pas. Hein, mais Nelly, même toi qui est plutôt une chaude lapine, apparemment, 15 fois par jour. Non, par semaine. Par semaine, pardon, oui. Parce que 15 fois par jour, là, c'est vraiment hardcore. Ouais, là, c'est hardcore. Qu'est-ce qu'il y a, Nelly? Non, ça se fait. Non, mais bien sûr que ça se fait, mais je veux dire, c'est quand même violent. Non, je suis quand même pas à 15 fois par semaine, mais... T'as combien de fois, là, Nelly, tu m'as dit encore? Ouais, je dois être à une dizaine, à peu près. À une dizaine? Ah ouais, une dizaine de fois, c'est pas mal, quand même. Hein. Alors que nous, on aimerait bien au moins une fois par semaine. Ouais, une fois, ce serait quand même pas mais mal. Mais une fois par mois, hein, on va pas chipoter. Ne nous emballons pas. Ah, ça, je l'ai, le quota. Ouais. Ah, quand même. Pas mal. Bon, attendez, on va quand même demander l'avis de Gilou qui est avec nous là. Gilou? Oui. Comment ça va? Oh, je suis en plein boulot. Ah bon, tu fais quoi? Ah bah, il se branle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de dire bonjour au père de mes enfants. Quoi? Au père de tes enfants, d'accord. Il y a un problème, Gilou. Ouais, c'est pas grave, Gilou. Rien, là. Non, mais c'est rien. Ah bah, comment ça t'entend rien? Bah, allume. Ah, bah, ça y est, ça va mieux. Ah, ça va mieux, bah, très bien. Non, mais parce qu'il y avait des messages j'ai vu des messages cette nuit quand je suis rentré chez moi. Il y en a qui pensaient que t'étais le fils d'Amédée. Alors, pour ceux qui se souviennent de Fun dans les années 90, c'était, il y avait un mec qui s'appelait Amédée qui était très gentil à l'époque, hein. Ouais, un mec comme moi. Comme toi, non, parce que lui, en fait, il voulait toujours se branler. Ah bah écoute, le matin, midi, soir. Hein. Ah bon, bah alors c'est comme toi, ouais. Effectivement, oui. C'est pour ça que je te dis que je suis en train de travailler, là. Ah! Oh le porc! Le père des enfants, c'est la bite avec lui aussi! Oh là là! Je dis bonjour au père de mes enfants, écoute. Oui, on a compris, va. Ah bon, ça y est. C'était pas terrible, mais on a compris. Passe-moi Lolita, là, tiens. Tiens. Lolita, je te présente Gilou. Ah. Salut Gilou. Bonjour ma puce, comment vas-tu? Oh là là, quelle horreur. Nickel. Bonjour ma puce. Tu aimes les hommes? Oh bah, c'est la campagne où j'habite, tu trouveras pas, c'est loin. Hein? Ah, Gilou, elle fait l'amour 15 fois par jour, hein. Pense-y. Ah ben, elle a qu'à venir seulement une fois avec moi, elle y aura plus avec les autres. Ah oui, à ce point-là? Ah bah oui. C'est pas prétentieux, mais enfin, ah bon, j'adore les femmes, moi. Ouais. Mais est-ce que les femmes t'adorent? Oui, c'est ça aussi, oui. Ah ben, j'étais aimé, mais... Bah oui, fut un temps, mais tu ferais quoi là, avec Lolita si t'étais là? Oh, j'y ferais des câlins, des caresses, des bisous partout, par devant, par derrière. Oh, ça rend du rêve. Ouais. Et Anneli qui est avec nous là, Limoges? Elle est en porcelaine, non? Non, non, bah non, non, oh, non, bah non, Gilou. Oh. Gilou. Alors, elle a une belle poitrine. Ah ouais, Dof, souviens-nous. J'adore les seins. Bien sûr, Nelly, bien sûr, souvenons-nous, Nelly, Nelly elle est là. 90C, c'est ça. 90C, Gilou. Ah, 90C, c'est beau, hein. Ah oui. Ah, il y a du boulot, hein. Ah, il y a du boulot. Et puis, on parle à un connaisseur, Nelly, en plus, hein. Ah, ben moi, je connais bien. J'avais une copine, elle faisait du dé, hein. Ah ouais. Non, oh là là, quand même, hein. Ah oui. Ah oui. Et Gilou, t'as quel âge? Oh, j'ose pas le dire à la radio parce que vous allez. Mais non, parce que, mais non, on a Cathy qui est avec nous, qui a 46 ans de Brest, peut-être que ça peut t'intéresser. Oh ben moi, y a pas d'âge pour moi, tu sais, elle a pas de se coucher. Si, y a des limites, Gilou. Ouais, y a des limites, Y a des limites, 18 ans, ouais, voilà, s'appelle la majorité. C'est vers le bas qu'il y a des limites. Mais Cathy, Gilou, Cathy, je vous présente. Bonsoir, en plus, Gilou. Et en plus, Cathy, elle fait l'amour. Comment vas-tu bien? Ça va bien, Gilou. Oh, est-ce qu'on pourrait faire un jour? Je pense que là, on peut les laisser pisser, là. Ah, ben quand tu veux, petit Gilou, hein. C'est pas vrai. Mais j'habite loin, hein. Ben, ça dépend, tu sais pas où j'habite, moi. Si. Non, je sais pas où t'habites. Ah, oh, sois poli, hein. Ouais, excuse-moi. Pourquoi tu me m'attrapes comme ça, tu me dis que j'habite, là. Pourquoi tu me racontes, là. Donc là, ils nous entendent plus, hein. En route de m'exciter encore, là, tu vois. C'est vrai. Oh. Ça va aller, ça va aller, Gilou. Je suis persuadé que si je te voyais, il serait content, hein. Ah. Tu fais un gros bisou. Ouais, moi aussi. Oh là là, mais le jour que tu veux m'appeler, tu peux m'appeler, hein, pour rigoler. Hein. Moi, je veux d'accord. Bien. Hein. D'accord, Gilou. Hein. Vaut mieux faire l'amour. Hein. Oui. Hein, c'est mieux. Hein, c'est vaut mieux faire l'amour que la guerre. Oh, pour pas faire la guerre. Oh, non. Non, c'est pas bien. Oh, on parle sur un débat de merde. Ah, dis donc, tu connais cette petite histoire-là? Vas-y. C'est un petit vieux là, qui est décédé. Et puis le jour de l'enterrement, le gars il vient, il met le corps dans le cercueil et tout. Et puis il y a la mamie, elle demande un service au gars, elle dit, avant de fermer, elle dit, vous pourriez me rendre un petit service? Il dit quoi? Mais il dit, couper les bijoux de famille et tout ça, je vais faire vite. Hein. Alors, on se rend pas compte. Il dit, je peux pas, je vais pas le voir, vous vous rendez pas compte. Et après, elle insiste, il dit, bon, ben, je vais vous le faire, donnez-moi une assiette et puis le couteau, quoi, tout ça. Oh, quelle horreur. Alors, il coupe, tout ça, il lui donne et tout. Il dit, c'est pourquoi faire un pot-au-feu. Oh, un pot-au-feu, bon. Ah, putain, je crois que c'était fini. Ils font l'enterrement oh, et putain. Tout, puis il revient, il signe les papiers, les gars se font payer, tout ça. Et puis, elle dit, merci. Alors, le gars, il dit, mais je pourrais vous poser une question. Elle dit, oui, pourquoi? Et pourquoi c'est pour quoi faire? Oh ben elle dit, c'est pour faire le pot-au-feu. Ça fait 55 ans que je la mange toute crue. Je voudrais bien la manger plus un jour. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul, Gilou. Oh là là. Oh mon dieu. Oh Gilou, c'est j'en nul. J'en ai une pour toi, Gilou, si tu veux. Ouais, on va peut-être pas toutes les faire non plus, Cathy. Hein, Voilà, attends, parce qu'il y a Laura d'abord aussi, que je t'ai pas présenté, Gilou, là. Laura qui est avec nous de Paris, là. Ah oui, oui, bah, c'est celle comme son copain, là, qui me traite de petit pont, là. Ah non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Où qu'il est, ce petit mec, là, tu mais vois, il est parti, il est parti. Gilou. Oui. Je te présente Laura. Ah, bonsoir, Laura. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie, comment on va? Tu cherches pas un petit bonhomme, là, non? Non, non. Oh, bah, j'ai mon mien à côté de moi. Ça tient. Il est pas en plâtre, non? Qu'est-ce qu'il met avec son plâtre? Il est obsédé par son plâtre. Ouais. Non, non. Ah, mais hey, Gilou, ça a fait une opération nulle ce soir là. Oh là là là là. Ah, ouais. Il était mauvais, Gilou. Ah, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des jours comme ça, c'est pas grave. Hein. Ah, bon, moi, j'aime bien ce qu'il y a, c'est que je vais commencer à demander des droits d'auteur là. Parce mais que... t'as vu un peu, hein? Ah, t'es une vraie star, hein? Ah, il faut bien rigoler, c'est vrai. Bah oui. Oh, j'aime le sperme. Bah oui, c'est ça, oh. Ouais. Ben. Je vais à la banque deux fois par semaine, moi. Ah bon, pour donner du sperme? Ah ben bien sûr. Hein. Ah bah toi, bah génial. Oh, arrête, tu me fais manger. Hein, c'est vrai. Hein. Bah oui, il se parle à lui, évidemment. Je te sucerai le sang et tout. C'est pour... Écoute, ouais, ouais, te sucerai le sang. Ah oui, après tu prends le mensonge et puis tu dis, là, c'est 5000 enfants à peu près, hein, j'ai compté. Ah quand même, hein, 5000 bébés, ouais. C'est pas mal. Bah, beau score, hein, Gilou. Bah une fois la semaine, soit disant que... Une bonne branlette, t'arrives à faire 10 gosses avec. Merci pour ces détails. C'est génial. c'est des tarifs médicales. Tu multiplies par 10 ou 20 ans. Ah bah parfait, bah oui oui c'est ça, ça fait beaucoup évidemment. Tu vois, tu peux monter une maternité. Hein. C'est ça, en fait, lui la planète lui appartient, Gilou. Bon bah merci Gilou et bonne soirée. Hein. Ouais ouais, puis t'embrasses et... toutes ces femmes là. Hein. T'inquiète pas, je les embrasse, pas de problème. Tu leur fais des gros bisous partout, mais sois sérieux toi. Hein. Bah évidemment, tu me connais Gilou. Je vais le dire à ta femme moi. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, allez, salut Gilou. Je vous embrasse tous les gars. Allez, ciao Gilou. Allez, voilà. Salut. Bisous. Eh bah comme ça, moi, vous avez fait la connaissance de Gilou, les filles. Heureuse. Heureuse. Ah oui, très heureuse. T'as fait un peu, bon, cela dit, attention, il y a du lourd également, puisqu'il y a Johan qui voulait parler à Laura. Oula, mon Dieu. Ouais, et ça va être du lourd également, ça. Attendez, on va se mettre de back your mat avec Vandak maintenant. On l'avait demandé. Oula, pardon, je fais de la merde. C'est ma mère qui te l'avait demandé. Oui, oui, c'est vrai, mais il y avait aussi les auditeurs qui me l'ont demandé. Et puis non. Après, bah si, il y en a qui me l'ont demandé. Qui m'a dit non? Ah non, bah personne m'a dit non. Parfait, bon, c'est pas grave. Bon, bah Nelly, Laura, Cathy et Lolita, vous restez avec nous. On va encore faire quelques appels avec Toff juste avant de partir. Cool. Et puis Backer Matt et Vandak, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. I have a dream. I have a dream. C'est Fun Radio avec Backer Matt à l'instant. C'était Vandak. Bienvenue tout le monde si vous venez de débarquer. Nickel, nos limites, on est toujours ensemble évidemment jusqu'à 2h du mat avec plein de messages qui arrivent aussi. Avec encore bah Toff, on va appeler quelques personnes encore. Hein. Mais allons-y. Allez, pour savoir si ils font l'amour plus ou moins de 4 fois par semaine, puisque apparemment plus de 4 fois par semaine veut dire que tu deviens riche. Oui, on bah, gagne plus d'argent. Exactement. Et ça, c'est beau. Bah oui, c'est ça, ouais. Donc on y va, on appelle. Hein. Allons-y. Allez, c'est parti, on récupère les filles juste après. Nelly, Laura, Cathy, Lolita et Johan également. Désolé pour les filles avec Johan, je sais que le masculin l'importe, mais enfin bon quand même. Et ça ne marche pas. Oui, bonsoir monsieur. Oui, oui, bonsoir, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez satisfait de votre rémunération, monsieur. La bonne blague. Allez, bonne soirée. Mais c'est pas une blague, monsieur. Bah oui, c'était juste une question simple comme ça, on rappelle. Ah, ils font chier apparemment. Mais oui, ils sont relous, allez, on rappelle. Sérieux là, faut plus rappeler. Bah oui, je suis sérieux parce que vous avez voilà, pas... faut plus rappeler. Oui, mais allez, vous avez pas écouté pourquoi ciao. Je vous appelais, monsieur. Allô. Mais il veut pas. On rappelle encore un coup. Comme il a dit qu'il fallait plus rappeler en plus. Bah, vous êtes ma gueule. Y'a pas bon. Sérieux, arrête. Allez, bonne soirée. Mais bye. Attendez, monsieur, vous écoutez pas pourquoi je vous appelle. Mais je pense qu'il s'en branle là. Bon bah tant pis, on en saura pas plus. Allez, on en saura pas plus, c'est dommage. Bon, Lolita et Cathy. Lolita et Cathy. Oui. Ah voilà. Bon, du coup, comme vous faites l'amour plus de 4 fois par semaine, est-ce que vous êtes riche? C'est pas mal. Bah, non. Ah, Cathy, c'est pas mal. Bien, donc. Cathy, moi, c'est pas mal. Lolita, moyennement. Et Nelly? Moyennement. En même temps, Lolita, elle vient de commencer. Oui, c'est vrai. Et Nelly aussi. Et Nelly? Moyennement aussi. Ah, ouais. Moyennement aussi. Pour ouais, le temps que ça rentre, quoi. Bah oui. Et Laura, toi, comme tu disais que ton mec était à côté de toi, là, combien de fois par semaine, vous? Une à deux. Une à deux? Oh, petite joueuse, hein. Ouais, petite joueuse. Attends, parce qu'il y avait Johan qui voulait te parler. Tiens, salut Johan. Salut. Tu voulais parler à Laura, toi? Ouais. Alors vas-y, bah écoute. Ah, tu voulais la draguer carrément. Bah alors vas-y, je te. Johan, Laura, Johan. Non, pas vraiment en fait. De quoi? Pas vraiment la draguer. J'ai pas compris, Johan. Tu voulais pas vraiment la draguer? Ah bah c'est ce que je vois dans le standard. Pourtant, tu voulais dire quoi alors? Bah, parler. Bah salut Johan. Bah salut. Bah voilà, bah écoute, t'as parlé alors. Bonne soirée Johan. Il m'a dit je veux parler à Laura. Je lui dis tu veux lui draguer, il m'a dit oui. Bah tu veux parler à Laura ou tu veux pas parler à Laura? Je vais dire un truc à Toff aussi. Mec, il y a des meufs là et toi tu parles à un sac de merde. Ah, sac de merde. Oh, c'est dingue quand même. Voilà, t'as deux grossesses là. Bon Johan, tu veux parler à Laura oui ou non? Ah bah allez. Non mais on te force pas le Johan. T'as appelé pour quoi à la base? C'est toi qui as appelé pour ça. C'est le mec, on le menace. Parle Johan. Ouais. Tu veux parler à Laura ou pas? Ouais. Ah bah vas-y. Allô? Oui. C'est pas mal pour commencer. Bah écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, ça c'est ça moins bien. Mal, alors. Ouais, ça continue là, beaucoup moins bien. Ouais. C'est désastreux. C'est bon Johan, désastre. Johan. Oui. Sache que tu n'es pas très bon dragueur. Non. Ouais. Est-ce que tu veux draguer Sandro? Est-ce que tu veux draguer Sandro? Non. Il voulait parler à Toff. Bon, ah oui, est-ce que tu veux draguer Toff? Qu'est-ce que tu voulais dire à Toff? Toff? Ouais. Tu sais, si tout le monde te taille, c'est pas grave. Hein. Merci. Moi, tu me fais bien rire. Merci, Johan, merci. Oh, quel suceur. Merci alors. À mon fan club. Ouais, tu parles, susbite. Bon, salut, Johan. Salut Yoann. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, non standard. Mais non, il voulait pas me draguer. Mais ouais, bah c'est pas grave. Je te repasse Sandro, d'accord? Ok. Allez, salut Yoann. Bon, bah voilà. Pas servi à grand chose. Bon, eh ben, très bien, Nelly, Cathy et Lolita, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit. Merci, bonne soirée. À bientôt les filles. Salut. Et Laura, oui. Bah, écoute, toi aussi, je te fais un gros bisou. Hein. Oui, et je vais demander si c'est possible de rappeler demain si ma radio est toujours en panne ou pas. Bah, si tu veux, oui, tu vois ça avec Sandro maintenant, pas de problème. Okay. Ça marche. Salut à toi. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bye bye, Laura. Bon, on fait encore un petit appel avant de partir quand même. Et puis, allez, on aura un plutôt aussi dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Dernier appel maintenant là pour savoir s'ils font ou pas l'amour plus de 4 fois par jour. Il fait qu'apparemment, il serait riche. On verra. Allez. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez satisfaite du salaire de votre mari. Si je suis satisfaite du salaire de mon mari? Oui, c'est bien ça. Mais qui êtes-vous? Je suis Toff, moi, madame. Comment? Je m'appelle Toff. Qu'est-ce que c'est une enquête? C'est... Non. Non, je m'excuse. Bonne soirée, monsieur. Bah, attendez. Allô? Alors là, t'as le mari qui a commencé à gueuler derrière, là. Attends, on va rappeler. Allez. Je ne sais pas où, dans le sud a priori. Allô? Oui, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de vous dire pourquoi je vous appelais. Ah d'accord, ok. Alors c'est pourquoi donc? Ben en fait c'est parce que si vous n'étiez pas satisfaite de du salaire de votre mari, c'est peut-être un peu de votre faute. Peut-être un peu de ma faute. Oui, c'est-à-dire, hein? Ben c'est parce que vous ne lui faites pas assez souvent l'amour. Non mais attendez monsieur, vous êtes bien ou vous êtes mal là? Vous êtes dans quel état? Bah, moi je suis très bien madame. Non, c'est parce qu'en fait il a été prouvé par une étude anglaise que les hommes qui avaient plus de 4 rapports sexuels pendant la semaine gagnaient plus. Bonjour, merci pour le conseil. Vous êtes très gentil monsieur. Bah, je vous en prie, donc du coup vous allez... Allô? Eh bah, du coup le rapport accroché au nez. On rappelle encore un coup ou pas? Oui, allons-y. Allez. Petite dernière. Allô? En plus de 4 rapports sexuels par semaine, rapports sont plus en retard que les autres. Bon, c'est un fou, voilà. Oui, c'est un fou. Ah oui, on a mal compris, mais effectivement, je crois qu'il disait, bon, bah, c'est un fou, hein. Je crois qu'elle a posé le téléphone, en fait. Oui, oui, à mon avis, oui. Bon, bah, je pense que ça sert plus à rien d'essayer, hein. Non, c'est dommage. Je pense que là, c'est totalement plié définitivement. Elle m'a pris pour un fou. Et c'est bien dommage. Le générique de fin dans quelques minutes, et puis le top tweetos maintenant. Attention, quels sont les 5 meilleurs auditeurs de la soirée? Avant ça, je vais lire quelques messages. Il y a plein de messages pour Gilou. Damien qui dit pervers ce Gilou et des gros burks. Pascal qui dit du très lourd ce Gilou, la mascotte de Fun Radio, la continue comme ça, le prince Nadia sur le Twitter qui dit vous ne saviez peut-être probablement pas qu'un appel masqué peut être démasqué. Ah si, on le savait quand même. Hein. Ouais, quand et même. Steven qui dit moi c'est 17 fois par semaine, votre radio est cool, vraiment. Bah, merci Steven. En même temps c'est pas la mienne. Hein. Non. Hein, on nous laisse 3 heures, hein, mais c'est pas ma radio. Il y a Cindy qui dit merci d'avoir appelé Gilou, maintenant je vais aller me coucher, merci pour cette très bonne soirée, j'ai bien rigolé avec vous demain et les autres jours. Allez, je vous dis à demain tout le monde et bonne soirée et bah, gros bisous, bah, merci Cindy. Il y a Joévin qui dit purée, c'est scandaleux, quel gros porc ce crouton. Et alors Ludovic qui dit une fois de plus, le Gilou m'a fait mourir de rire. Raphaël pense pareil. Il y a quoi aussi, Alexou qui dit t'es dégueulasse Gilou, et le prince Cédé qui dit Gilou est en pleine forme. Bon ben bah, merci pour tous vos messages en tout cas. Attention, top 5, quel est le numéro 5 du top tuto ce soir? D'ailleurs, je tenais d'abord à féliciter JB qui est presque dernier. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Allez, numéro 5. Alors, numéro 5, Frainer Jones. Oui, numéro 4. Le prince Nadia. Allez, numéro 3. Oh. J'apprends un souvenir. Je m'apprends. Merde, j'apprends à compter. Oh là là. Rugalex. Parce qu'il y a 3X. Ah, c'est un nouveau également. Bah, oui, bienvenue à toi. Alors, attention, numéro 2. Quentin DR21. Ouais. Encore un nouveau, numéro 1. Vous attendiez Let's Be Freaks, mais c'est Morgan 88S. Ouais, bravo Morgan. Bravo à toi, Morgan. Bon, eh ben, très bien. Alors, attention, je vais vous dire que Let's Be Freaks n'allait pas tarder à revenir. Donc, faites attention, profitez bien de la place numéro 1. Puisque elle risque de vous la chouffer pour un petit bout de temps. Je dis ça, je ne dis rien. La chauffer ou la chouffer? De la chauffer. Ah, d'accord. Voilà. Bon, allez, hop, on se fait péter le générique de fin. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Mais personne qui encule comme Donna. Merde toi l'enculé. T'encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir, t'as mangé, ton oncle toute la journée. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. Pitoyable mais pas digne de pitié. Et je vous emmerde, je vous exècre. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ben une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. Toi l'enculé. Toi l'enculé, toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule. Toi l'enculé. Ah bah alors vous êtes un salaud. Des bites te sucer, toi l'enculé. Je veux me faire enculer. Toi ton nom c'est un enculé. Oui tous les deux. On est des enculés, c'est vrai. Ah bah alors vous êtes un salaud. Merde, monsieur Gouret. Suce ma bite. Ah monsieur Gouret de bouton, bah ça arrive même au meilleur à la preuve, hein. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui. Est-ce que c'est ce qui arrive? Bon ben bah, on se retrouve demain nous à partir de 23h. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci pour tous vos messages que vous avez été très nombreux à envoyer. Plus de 250 000 sur le Facebook grâce à vous en même pas 3 mois. Et plus de 18 000 aussi sur le Twitter en même pas 3 mois. Donc continuez à passer le message autour de vous. On salue également tous les nouveaux qui sont arrivés ce soir, notamment sur le Twitter, sur le Facebook. J'ai dit que je vous suivais si vous me suiviez. Il y a The Scorpion que je vais suivre. Hop, c'est fait. Il y a Saviez-vous que, c'est fait aussi. Il y a Steven, c'est fait aussi. Il y a Maggie Ball, c'est fait également. Il y a Victor, etc., etc. Il y a Domi, il y a Owen, il y a Tatiawa, il y a Vandenbroek. Salut. Ben, ça aurait été bien avec un prénom. Maxime également, etc., etc. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir tous été au taquet ce soir. Je n'ai pas évidemment pas le temps de tous vous citer, mais ça me touche beaucoup. On se retrouve demain en pleine forme dès 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Oui, merde, j'ai oublié de pousser sur un bouton. Donc voilà, hop là, hop là, hop là, et hop là, voilà. Tout va bien. On est en pleine forme. Je vais dormir, moi. Ouais, mais c'est parce que JB a voulu absolument prendre la réalisation de l'émission. Ouais, donc moi, je me suis retrouvé dans la pièce en face, là où il est d'habitude. Et donc lui, il pousse les boutons et c'est un drame. Je suis un peu endormi là. Ouais, complètement. Je suis resté. Hein ? Vas-y. Non, je suis resté au lit toute la journée. Donc, Grosse journée, JB. Ah ouais, la grosse journée. Bon, il va y avoir du lourd ce soir là. Holly Goulding. Il l'a fait sur Twitter tout à l'heure. Le salaud. Il les traîne toute la journée. C'était une autre. Si c'était celle-là. Une autre, c'était à chier. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, du lourd ce soir? Du très très lourd. Comme? Bah, 200 tonnes. C'est... Je m'en vais. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. C'était horrible. Hein? Rallume mon micro. C'était horrible. C'était vraiment horrible. C'est non, JB. Non, c'était bien. C'était scandaleux. Non, c'était bien. Ah bah je me casse. Et on va se quitter à Cacamar. Ah, d'accord, bah, j'aime bien Doxos. Tant mieux. Parce que lui ne l'aime pas. Hein. Qui ça? La France. Doxos. Ah, Doxos. Pour la France, tu pourrais quand même passer un morceau chanté en français. Tu n'es pas un vrai français, sache-le. C'est toi, it's you. Qu'il est mauvais. Oh là là, allez, bon courage jusqu'à 6h. Ouais. Il va vous en falloir, je vous le dis, moi. Demain 23h, je t'en prie, fun. Ciao. It's you.